À Paris, de 17 à 27 cet après-midi, et puis la pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Marseille et Grenoble. Rihanna qui demande de l'aide à François Hollande. Promis, vous ne rêvez pas, on n'est pas dans info ou mytho. Là, la chanteuse a balancé un tweet où elle a identifié le président. Elle lui a envoyé une lettre, en fait, qui est apparemment restée sans réponse. Et elle a jugé bon de faire une petite piqûre de rappel. La Barbadienne s'est engagée dans un mouvement humanitaire qui vise à offrir une éducation scolaire aux enfants en situation d'urgence. Elle s'est naturellement tournée vers François Hollande qui a récemment reçu à New York le prix de l'homme d'État de l'année. On peut lire dans le tweet « J'attends votre réponse, nous avons besoin de votre leadership. » Une action à laquelle participe également Kendrick Lamar. Objectif, éradiquer le trou de la sécurité sociale. En 2017, c'est l'ambition affichée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les comptes de la Sécu n'ont jamais été aussi bons depuis 2002, même si la situation reste très fragile. La ministre en déduit que c'est la fin des déficits sociaux. Elle prévoit même un excédent de l'assurance vieillesse, ce qui serait une première depuis bien longtemps. Un petit rappel pour les franciliens. Dimanche, c'est une nouvelle journée sans voiture. Paris est réservé aux piétons et aux cyclistes. Les 11 premiers arrondissements seront totalement fermé. Cela représente 600 km de route impraticable. Paiera ou paiera pas, la cour d'appel de Versailles dira ce matin si Jérôme Kerviel doit rembourser ou non 4 milliards 900 millions d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Le parquet a estimé que avant les vacances d'été, que l'ex-trader ne devait rien. Cela fait 8 ans que la procédure est en cours et c'est l'homme le plus endetté de la planète. Un demi-milliard de comptes Yahoo piratés. Je vais y arriver. L'info est taille et fait le tour du monde depuis quelques heures. Les géants américains annoncent que les infos de 500 millions de comptes ont été volées. Cela concerne les mots de passe, les noms, les dates de naissance, mais pas les données bancaires. Le groupe Internet estime que ce piratage pourrait être lié à un État. Une enquête a été ouverte et confiée aux autorités américaines. Cela pourrait être le plus gros piratage de l'histoire. Mais combien de demi-milliards de comptes? Un demi-milliard. Oh. Là, j'ai réussi. Là. 500 millions. Voilà, 500 oui, millions. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu te casses le cul? Ouais, voilà. C'est vrai. Du sport à une semaine chargée. Pour les joueurs de la Ligue 1, on enchaîne aujourd'hui avec le début de la 7e journée. Paris se déplace sur la pelouse de Toulouse. Ce sera encore sans Hatem Ben Arfa. L'ancien niçois n'a pas convaincu Unai Emery à l'entraînement. Alors pour ceux qui en doutaient encore, le coach basque semble vraiment vouloir se passer des services de l'attaquant, à moins qu'il ne teste sa résistance pour en faire par la suite un élément capital. Quoi qu'il en soit, il restera aujourd'hui au camp des loges pour s'entraîner avec les blessés et les autres recalés. Coup d'envoi du match à 20h45. Merci Rémi pour les infos. Il est pile 6h, tu vois. On est pile à l'heure. C'est parti pour le morning, le dernier de la semaine, le premier de l'automne et plein de cadeaux à gagner et une équipe de folie qui est là, je vois. Mais complètement mais folle. Mais c'est la folie, c'est parti, on y va vite. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Eh oui, on est là, ça y est, c'est parti pour une nouvelle matinée, la dernière de la semaine. Profitez bien, bonjour à vous, bon réveil. Bonjour. Bon, alors on va faire plein de choses ce matin, on va pas perdre de temps, on a du gros son à écouter. On a un réveil de star qui arrive aujourd'hui, c'est un film dans le réveil de star, tous les matins à 6h10. Ouais. Un film, allez, je vous donne un petit indice, écoutez bien, le voici, c'est le héros du film, lui. Allô? Allô? Ah, pas facile là. Bonjour. Bonjour. Alors? Ah, c'est pas un mec. Vas-y, remets un truc. Moi, c'est Serge Benamou. C'est Serge Benamou. Ah, voilà, bien joué, Romano, c'est Serge Benamou. Serge Benamou, je t'ai reconnu. Non, c'est La Vérité si je mens. Ben oui. La Vérité si je mens qui réveille les familles de France ce matin. On va faire un petit tour, donc, du côté de La Vérité si je mens, du côté de la France entière. Hey, Serge Benamou. Pour réveiller les familles de la France entière, comme tous les matins sur Skyrock. Bonjour, Cariole. Bonjour. Bonjour, Karim. Salut. Bonjour, Sam. Bonjour. Rémi, c'est fait. Et Romano, bah, écoute. Bonjour. Là, comme tous les matins avec, bah, tiens, toi, tes conseils pas chers. On parlait du réveil de Star à 6h10. Les conseils pas chers, c'est à 6h40. Voilà, c'est le nouvel horaire depuis la rentrée des conseils pas chers. Vous en vouliez entre 6h et 7h, vous n'en aviez pas. Et bien maintenant, vous en avez. C'est comme ça que ça se passe. Et puis les 1500 €, et ben là, c'est encore plus fort. C'est toutes les demi-heures qu'on vous offre de l'argent. 1500 € à gagner. Ouais. Et hier, c'est tombé 3 fois. Oui. Dites-nous ce que vous ferez ce week-end, parce que j'ai eu une température 30 degrés du côté du sud-ouest ce week-end. Ah ouais? Ouais, 30 degrés dans le sud-ouest. Pas mal. Vous allez pouvoir aller au bord de la plage, vous allez pouvoir vous éclater. Oui, quoi, faut être dans le coin, quoi. Dans le sud-ouest, ouais. Oui. Et pas dans les terres non plus, oui, c'est sûr. En tout cas, j'espère que vous allez en profiter. Dites-nous ce que vous avez prévu de faire ce week-end, histoire de nous donner envie de partir déjà en week-end. Une belle matinée, donc, de week-end qui démarre. Ah, ben, il y a Matmat, ici, plage pour moi. Ah, tu vois, dis où est-ce que t'habites, Matmat, là? plage pour toi et les enfants en plus. Eh ben très bien. Bien ouais. Il y a Dame Suivale à la pêche dans le 71. Ah bah tiens, du côté de la Bourgogne. Ah la Bourgogne, ah, Bourgogne. Sur la truite. Tiens, on parle de week-end. Eh bien écoutez, on va démarrer cette matinée avec. Hier, vous rappelez, on a démarré avec The Weeknd. On va démarrer avec I Can Feel My Face parce que ça m'a donné envie de l'écouter. Hier, on vous passait le nouveau The Weeknd avec les Daft Punk en exclu sur Sky. Ouais. Eh bien ce matin, on aura un petit week-end qu'on écoutera. On se fera le Daft Punk avec Weeknd aussi plus tard. On va se faire Can Feel My Face là dans 10 minutes. Tout de suite, 21 Pilots. Et puis, en attendant de parler de votre week-end, de notre week-end dans l'équipe, eh bien, on démarre avec les 21 Pilots. Vroom, c'est parti. Ride. Ride. On ride à 6h03 sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. You, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Sur Skyrock, c'était les 21 Pilots, 6h06 sur Sky, le réveil de Star arrive. Un film qui est passé hier soir à la télé, La Vérité si je mens. Eh bien, on va le retrouver dans un instant, dans deux minutes, là, histoire de faire un petit point sur ce que vous allez faire ce week-end. C'est Serge Benamou. Oui, c'est Serge Benamou qui va réveiller les familles de France. La Vérité si je mens. La Vérité si je mens. Si je mens. Alors, week-end, qu'est-ce que vous avez prévu? Cariole, tu fais quoi ce week-end? Tu vas te faire bronzer sur les plages? Non, rien de spécial, on se repose parce qu'on a fait beaucoup de choses le week-end dernier. Ah bah, j'imagine, ouais, elle a bu tout le week-end. Non. Elle a vachement fait beaucoup de trucs. Là, on a eu beaucoup d'activités depuis la rentrée. Donc, à lever le coude. Donc ce week-end, c'est repos. Donc ce week-end, repos. Même pas profiter du soleil? Non. Non. Bon, ben, bah, écoutez, c'est bien, ça va être sympa. Vivez dans une cave. Non, mais bon, tiens, à Paris, les plages, c'est assez limité. Hein. Ah c'est ouais, vrai. C'est vrai, malheureusement, ils ont arrêté Paris Plage. Non, mais puis, ouais, parce que c'est sympa Paris Plage. Sauf qu'il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à régler, c'est l'odeur de la Seine quand il fait chaud. C'est vrai, plus il fait chaud, plus elle pue. Ah putain, ça pue. C'est vrai, ouais. Mais voilà, ouais. En fait, t'as l'impression d'être baigné au bord des égouts, quoi. Quoi de tu ne baignes pas dans la Seine. Un peu. Il y en a qui pourront en profiter ce week-end du soleil. Je salue la Niçoise qui nous a laissé un message. Il y a 17 aussi. Alors, 17, il est dans le 64. 64, c'est du côté de Biarritz. Ouais, oui, c'est Biarritz. C'est Pyrénées. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais. Ariel qui veut faire la valise. Tu sais que maintenant, elle me casse les bonbons parce que il faut qu'elle apprenne Anne, on lui a donné des devoirs cette année, il faut qu'elle apprenne tous les départements. Pyrénées-Atlantiques. Et à chaque fois qu'elle voit un département à la télé, elle me le dit, tu vois. Je dis, ouais, c'est bien. Bon, course de moto ce week-end pour Roland, salut Roland. Il y a Eva, alors. Je sais pas. Et Eva, elle fait la fête des vendanges à Neuchâtel. Ah, tiens. Ça promet, ça. La fête de la bière aussi. La fête de la bière. Mais je crois que c'est à Munich, mais c'est pas qu'à Munich. Vous avez des fêtes de la bière vers chez vous. Ouais, c'est ça. Tiens, moi je vais aller voir un match de foot ce week-end. Après, je cale sur FIFA. Ah oui, tu fais un week-end foot en fait. Et dimanche soir, tu finis sur Canal Plus, c'est ça. Hein, ça va être ça, ouais. D'avoir un match au stade là. Nous, on va à la plage avec mes parents. Bah écoutez, ça va être bien. Profitez bien du week-end. Hein. Du vélo sur les sommets vosgiens pour Stylensois. Salut à toi, Stylensois. Bienvenue. Bon bah profitez bien du week-end. Un concours d'équitation pour Hello Pop. Sur la première. Hein. Bonne chance Hello Pop là. Bon à 6h08, on va faire notre réveil de star et on vous offrira aussi, je vous l'ai pas dit, la PS4. Ça sera juste après à 6h20. La PS4 Slim. Hein. La Slim, la toute nouvelle, celle qui est sortie la semaine dernière. D'ailleurs, la semaine dernière, on faisait un morning spécial pour fêter la sortie de la PS4 Slim. Et puis, on a continué à vous la faire gagner. La vérité, si je mens. Mais comme tu le dis si bien, Romano. La vérité, si je mens. Et ben voilà, la vérité, si je mens, c'est parti. Réveil de star, cinéma ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors ? Les stars réveillent la France. Je sais pas qui vous êtes. C'est le réveil de star sur Skyrock. Allez, votre réveil de star sur Skyrock, comme tous les matins. Et donc, un film, qu'est-ce que ça va donner ? Serge Benhamou, le héros de La Vérité Si Je Mens, réveille Patrice ce matin. Allez, c'est parti. Bon réveil chez Patrice. C'est Patrice. La phrase culte, c'est « je vais te casser les pattes arrière ». C'est ça. Hein. C'est, ouais. ça. C'est ça. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière. Puis... Allô ? Oui ? Bonjour. Bonjour, oui. J'ai un copain de Dov, il m'a dit que t'aurais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Et quoi, ce sale bâtard, tu me dis quoi, t'as monté de la bite, c'est quoi que tu racontes, leur connard? Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Je t'emmerde, sale bâtard, moi. Tu m'amènes une petite bouteille de champagne. Ta mère? Vas-y, écoute, une bouteille de champagne. Écoute. C'est qui, toi, bâtard? Elle est mignonne, hein? Quoi? Non, sans déconner, attends, je vais l'éclater sur ma vie, je suis un marteau pilon, là, je vais la casser. Je t'emmerde. Tu ne parles pas comme ça. Ah, viens chez moi. Ah bah attends, je consulte mon planning. Hein. T'es qui, fils de pute? Moi, c'est Serge Benhamou. Je vais te péter la gueule, les connards. Oh putain, ça doit faire mal de chien. Ouais bah viens faire le mal à chez moi. J'ai peur, regarde, je tremble, hein. Arrête de te foutre de ma gueule. Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout, hein. T'arrêtes de me faire chier, t'as compris? La vérité, si je mens! Je t'emmerde, connard, t'arrêtes de me faire chier maintenant, ok? Arrête, c'est pas de ma faute, tu es amoureux! Alors arrête de faire chier les gens! Attends, je passe sous un tunnel, là. Allô? Je t'emmerde! Tiens, ma vie, c'est la vérité, putain! Si je mens. Oui. La vérité, si je mens. Le monsieur l'a très mal pris. Oui, il a pas connu le film. Parce qu'à un moment, il a dit le nom du film, ça, oui, l'amour. La vérité, si je mens. Je me suis dit, là, il va reconnaître le film. Ah, pas oui, du oui. tout. Ah, mais non. Il n'est pas très content. Non, et c'est l'effet, je vais te casser les petites pattes arrière. Ah, ça, il n'a pas supporté, ah, oui. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Ok, il est romantique, ce Serge Benhamou. Et c'est à ce moment-là, en fait, il parle à sa mère. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des potes qui lui font une blague, il lui passe le téléphone, ouais, il y a une meuf trop bonne, elle veut te parler. C'était sa mère. Et ouais. Il dit tout ça et à la fin. Ah, je vais te casser tes petites pattes arrière. C'est maman. Ouais, c'est maman. Allô, oui, c'est maman. Allô, Serge, c'est maman. C'est maman. 6h11 sur Sky, le son de The Weeknd, tiens, que je vous avais promis. Can't feel my face tout de suite, j'aime bien ça. Le nouveau The Weeknd, on l'écoutera tout à l'heure aussi. Oui, I can't feel my face. C'est sur Skyrock. Bonne journée, bon vendredi. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both knew we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. Oh, Sur Skyrock avec le grand classique, et ouais, déjà un grand classique, Can't Feel My Face sur Sky à 6h15. Tout à l'heure, on sera le nouveau Weekend avec The Daft Punk qu'on a écouté. Starboy. Oh, yeah. The Weekend, les Daft Punk et Starboy à écouter un petit peu plus tard dans la matinée. On est le 23 septembre, il va faire super beau aujourd'hui. Vous aurez Malgré l'automne. Ouais, c'est bien. Vous aurez votre météo là tout à l'heure, profitez-en. Ce sera à 6h30. À 6h30, on vous offrira aussi 1500 euros. Je vous ai pas parlé des 1500 euros, c'est encore tombé hier. Bah si, on l'a dit trois fois. Trois fois. Ouais. Mais trois fois. Trois fois. Pas une, pas deux, mais trois fois. Ce sera peut-être pour vous ce matin. On commence à 6h30 tout à l'heure. 6h30, 1500 euros à gagner. Inscrivez-vous au 720-20. Vous envoyez 1500, 720-20. Si vous voulez gagner, vous aussi, vos 1500 euros. Hier matin, c'était les filles qui étaient majoritaires. Ayat a gagné à Alès. Sophia à Sarcelles. Et il a sauvé l'honneur. C'est Greg, non? Ouais, Greg, qui lui a gagné à Ruby dans le 74. Bravo, Greg. On est en direct à la radio, Greg. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros. Si on te demande quelle est ta radio préférée, qu'est-ce que tu réponds? Ah, bah, c'est Skyrock, c'est cool. C'est gagné. Bravo. Ouais, tu viens de gagner 1500 euros, Greg, ce matin. Ah, impeccable, c'est cool. Ouais, impeccable, c'est cool. Il était dans sa voiture, Greg. Ouais. Vous écoutez aussi. Eh bien, vous gagnerez peut-être 1500 euros. Il faut répondre Skyrock pour gagner. Et avant de vous offrir 1500 euros, premier cadeau de la matinée à 6h16. Une PS4 Slim. Ouais, on va jouer à l'invité mystère et on va parler de Justin Bieber. Retrouver les fans de Justin Bieber ce matin. L'invité mystère. Watch it. Voici l'invité mystère à découvrir ce matin. Alors, c'est pas Justin Bieber, sinon c'est trop facile. Hein. Qui est donc notre invité mystère du morning de ce matin? Écoutez bien sa voix. Bonjour. Bonjour. Il est de retour à la télé. Il a changé de chaîne de télé. Et il aime bien les reportages sur Justin Bieber. What do you mean? What do you mean? Comme tu le dis si bien, mais tu chantes très bien, dis donc. Alors, qui est ce présentateur télé? Hein? Qui c'est? Moi, j'ai reconnu. Ah, j'ai reconnu. Envoie vite un message, Romano, 41-759. On sait jamais. Vite. Ou appelez Skyrock, je donne mon top. Hein, vous pouvez y aller, hein, dès que vous avez reconnu. Vous nous envoyez vos réponses, donc sur l'appli. Ou alors au 41-759, vous oubliez pas votre numéro de téléphone et vous gagnez la magnifique PS4 Slim qu'on vous file. Comment tu nous trouves? Vous êtes assez pépère, vous le dites vous-même. Ouais. Ça va, ouais, pépère. Assez pépère. À l'aise Blaise. Assez tranquille. Cool Raoul. Exactement, très bien. Tranquille Émile. C'est la première fois qu'on l'a cette année dans l'émission. Ouais. Je vous le dis. Merci beaucoup. De rien. L'invité mystère arrive. Et bien vos réponses. Non, c'est pas Nikos. Ah, et non, c'est pas Bertrand Chamerois. C'est vrai que lui aussi, il va faire un truc sur W9. Il a changé de chaîne, lui. Ouais, c'est un gars qui a changé de chaîne. Il vient de Canal, mais tout le monde vient de Canal, donc c'est compliqué. Bon, allez, je vous donne quand même l'indice. Allez-y, on vous attend en direct et on en reparle dans un instant avec les fans de Justin Bieber en reportage ce matin sur Skyrock. Ah, très bien. Allez, 6h18, c'est Skyrock, c'est le morning. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Maximum conseillé, sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. 6h-9h. The morning show. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle pigeonné, pigeonné, pigeonné, pigeonné jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. En appel de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Rien à laisser en lui la nuit. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les gens sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous les scandales. Comme Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme Saddam. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Mais t'auras du mal, la petite est maligne. Elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Animal te donne la dalle, toi comme un chasseur tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est. Elle vient la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les gens sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scandales. De Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme Saddam. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et bon réveil à vous et attention, première PlayStation 4, PS4 à gagner. La ouais. Slim, la toute nouvelle, c'est pour Florian qui est en direct avec nous. Bonjour Florian. Salut Florian. Ouais Flo. Florian. Et vous serez réveillé Florian. Ah. Et oh. Florian, nom de Dieu. C'est pas parce que c'est vendredi, on va te sortir du lit, hein, nous Florian. Ah, salut Florian. Hein. Debout là-dedans. Allez, debout. Bonjour. Bonjour. Ah, notre. Comment hein? Je suis déjà au travail. Ah bah dis donc. Il y en a qui dorment au travail en plus. Et bah dis donc. Ça doit bosser dur. C'est pas. Oh, je suis au travail. Là je suis sur la route. J'étais en train de dormir. Je dormais au volant. Excusez-moi. Notre invité mystère à découvrir. Tu l'as entendu. What do you mean? What do you mean? L'invité mystère, c'est un jeu. Yann, je donne son prénom. Tant pis, tu donneras son nom dans un instant. C'est un petit jeu qu'on fait le matin pour gagner des PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, la toute nouvelle qui est sortie. Ouais. Il y a aussi de l'iPhone 7 un peu. Il y a plus aussi tard, de l'iPhone 7 plus tard. Ouais. Alors l'invité mystère, tu l'as reconnu, toi, Florian, c'est. C'est Yann Barthès. Voilà, Yann Barthès. C'est ça. Yann Barthès de Quotidien, maintenant. C'est comme ça que s'appelle l'émission avant. C'était le petit journal sur Canal+. C'est ça. Voilà, c'est ils ont ça, bien fait de le laisser partir, Canal+. Il fait un carton sur TMC tous les soirs. Ouais. Yann Barthès avec sa nouvelle émission. En même temps que Cyril Hanouna, c'est en fait. Ouais, oui, c'est ça, à peu près, ouais. C'est pas la même chaîne. Non, c'est TMC, c'est sur la 10, le voilà. Et il a une petite fantaisie. Il adore faire des reportages sur les fans de Justin Bieber que nous aussi on va mettre à l'honneur ce matin. Elles sont super. Moi, j'adore les fans. Les fans de Justin Bieber arrivent, mais d'abord, Florian, t'annonce que tu viens de gagner ta PS4 Slim. Elle est pour toi. Bravo. Bien joué. Merci. De rien, cool, de rien, merci. Florian. Ben merci à toi. Tu es en train de bosser, mais tu fais quoi? Je t'ai même pas demandé, dis donc. Je suis routier en fait. T'es routier, c'est ça. Tu dormais sur la route. C'est ça. Ouais, ouais, alors, si vous êtes du côté de Chambéry, parce qu'ils nous appellent de Chambéry, vous êtes sur la route, vous voyez un camion qui zigzague, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est Florian qui fait une petite sieste. Ouais, Florian, tranquille, il finit sa nuit. Voilà, bah, bonne fin de nuit, Flo. Alors, fais attention quand même. Oui, fais attention. Mais bon, elle vaut mieux, oui. Ouais, et la PS4, tu pourras jouer dans le camion où tu veux, on t'envoie ça à la maison. Sans problème. Y a pas la place dans le camion. Ah, dommage. Bon, bah éclate-toi avec. Bonne journée à toi, Florian. Ciao. Merci, c'est cool. Ciao. Salut, Flo. Ah, Justin Bieber, qui était en concert cette semaine en France. Et à chaque fois qu'il y a un concert de Justin Bieber en France, Yann Barthès envoie les équipes. Les équipes du Petit Journal Avant et du Quotidien maintenant. Et les fans de Justin Bieber, moi je les adore, elles sont super. Bah, c'est les Beliebers. Les Beliebers, elles ont de super idées. Écoutez, celle-ci, elle est pas mal. Écoutez l'idée, là, si vous allez au Bahut, ça peut être pas mal. J'ai pris en photo même, j'ai marqué sur mon billet d'absence que j'allais voir Justin et voilà. Attends, non, mais ça marche. C'est valable. Hein. Ah, si vous arrivez en retard au Bahut aujourd'hui, j'écoutais Justin. J'écoutais Justin, t'envoies ça à la CPE, elle est contente et tout va bien. Ouais. Bébé, bien sûr, je sais ce que tu mets, j'ai vu que tu t'aimes. Ah, ça c'est une autre fan qui je sais ce que tu mines. Oui bébé, je t'aime. Elles sont super les fans de Justin Bieber. Pourquoi tu rigoles Romano? Non mais c'est marrant. Ouais, non moi mais aussi. Moi ce que je me dis c'est que ces meufs là elles vont se revoir dans 5 ans même pas. Ouais. Elles vont se dire putain merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais et bien ouais. Non Romano, parce que tu ne sais pas tout sur Justin Bieber. Pourquoi elles aiment Justin Bieber? Pour tout ce qu'il fait, il sauve des vies et puis voilà quoi. Il sauve des vies, mais ouais. Mais le mec il est pas pompier. Il sauve des vies. Et toi Romano ne brise pas un rêve. Il est pas secouriste le mec. Ah, excusez-moi, il y a une jeune fille qui veut passer un message. Ah bah allez. Je t'aime, oh, t'es trop bien, on t'aime, merci. C'est le meilleur. Ah merci. Ah ça c'est pour toi Difou. Ah je crois que c'était pour moi. Oui oui, excusez-nous. Ah elles sont super. Vive les femmes de Justin Bieber. Non mais elles sont marrantes. Ouais, elles sont marrantes. Pourquoi elle l'aime bien d'ailleurs? On se pose la question. Bah, mais il est mignon. Il est parfait. Il chante bien, il est beau. Voilà. Non, il est parfait. C'est la perfection. Et c'est la perfection. D'ailleurs, bon, il a chanté a priori, mais en playback. Là, 90% du concert est en playback. C'est pas mal. Et le mec a pas décroché un sourire. Ah, franchement, ça vaut le coup d'être payé. Hein. Ouais, 90% de playback. Et t'as quand même, c'est pas chier, quoi. Ah, je crois qu'elles ont encore quelque chose à dire, mais là, elles sont plusieurs. Merci, les filles. Vous avez quelque chose à rajouter, non? En même temps, il n'a pas besoin de chanter. Hein. Bah c'est oui. Le concert, elle doit hurler comme ça pendant je sais pas combien de temps ça dure, 1h30, 2h. Lui, il se fait pas chier, il passe ses disques. Hein, voilà, il bouge un peu les lèvres, il ne sourit jamais. C'est Justin Bieber qui était donc à Bercy cette semaine en France et qui nous permet de fêter le retour de Yann Barthès à la télé avec sa nouvelle émission sur TNC Quotidien. Voilà. Eh ben bravo Justin Bieber. Et puis ben, bravo pour la première PS4. C'est pas fini pour les cadeaux, c'est parti là. Ça va dérouler là. Dans un instant, 1 500 € à gagner, c'est pour vous. Les infos de Rémi aussi pour faire le point sur l'actu. Eh bien il est là Rémi avec une belle météo qui arrive aussi. Je vous le conseille, la météo du jour. Elle est super. Et puis un petit Justin, mais un autre. Oui, Justin Timberlake. C'est Timberlake qu'on écoute tout de suite. C'est parti, Can't Stop the Feeling sur Skyrock. 6h27. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. It's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When just imagine. But you, when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody On est pile à l'heure. C'était Justin Timberlake après Justin Bieber dont on a parlé il y a un instant. Et Can't Stop the Feeling, 1 500 € à gagner. C'est pour vous. Dans un instant, Ken Jones a écouté. On aura un petit Rihanna. Ça nous fait toujours plaisir d'en trouver Rihanna et Soprano aussi. Ouais. Ouais, parce qu'on va foutre le feu ce matin, je vous préviens. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Les conseils pas chers, Romano. Je me retourne vers toi parce que c'est toi le chef des conseils pas chers. Ah oui, on va parler permis de conduire. Ah, ça coûte cher ça. Permis de conduire, bah justement, je vais vous donner le top 5 des départements les plus chers pour passer le permis de conduire. Ceux à éviter donc. Ouais. Le top 5 des départements les moins chers pour passer le permis de conduire. Il y en a qui vont être obligés de déménager. Ouais, c'est possible. Tiens, dites-nous combien vous l'avez payé, au bout de combien de temps vous l'avez eu, combien ça vous a coûté. Oui. Ouais, ça coûte en tout cas bien cher ça, Romano. Hein. Ah bah ouais. Il faut gagner 1 500 € pour se payer le permis. Hein. Bah ça dépend, dans certaines régions ça ne suffit même pas. Ah ouais, bon bah si déjà gagné 1 500 € dans ce instant. Bah il faudra en rajouter un petit peu au bout. Ça peut aider. 1 500 € si vous répondez Skyrock après les infos de Rémi. C'est parti Rémi pour l'actu, on va commencer. J'en parlais il y a un instant pour la belle météo d'aujourd'hui. Ouais, belle météo avec un soleil bien présent sur l'ensemble du territoire. On a quelques nuages dans le sud-ouest et à l'est, hein, mais rien de bien méchant. Attention aux brumes matinales du côté de l'île de France et de la Bretagne. Demain, samedi, rien à signaler. Là aussi, ciel bien dégagé. Ça va se gâter par contre dimanche avec des averses sur une large façade ouest et en région parisienne. Les températures stationnaires par rapport à hier, entre 8 et 17 ce matin, 15 à Paris, de 17 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Marseille et Grenoble. Et toute l'actu maintenant et tout le sport aussi, c'est avec Rémi sur Skyrock à 6h31. Un demi-milliard de comptes Yahoo piratés, l'info est de taille et fait le tour du monde depuis quelques heures. Le géant américain annonce que les infos de 500 millions de comptes ont été littéralement volées. Cela concerne les mots de passe, les noms, les dates de naissance, mais heureusement pas les données bancaires. Le groupe Internet estime que ce piratage pourrait être lié à un État. Une enquête a été ouverte et confiée aux autorités américaines. Cela pourrait être le plus gros piratage de l'histoire. Objectif, éradiquer le trou de la sécurité sociale en 2017. C'est l'ambition affichée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les comptes de la Sécu n'ont jamais été aussi bons depuis 2002, même si la tendance reste très fragile. La ministre en déduit que c'est la fin des déficits sociaux. Elle prévoit même un excédent de l'assurance vieillesse, ce qui serait une première depuis bien longtemps. La fin d'une cavale qui aura duré une quinzaine de jours. L'islamiste Merwan Ben Abed a été interpellé en Suisse hier. L'ancien membre du GIA, le groupe islamiste armé, était assigné à résidence en Mayenne, d'où il a pris la fuite. Il s'était rendu en Suisse avec sa femme et ses 4 enfants pour effectuer une demande d'asile politique. Il a été placé en détention. Un dernier sondage qui ne donne pas le sourire à l'Élysée. Il est publié par le journal Les Échos. Marine Le Pen serait qualifiée au deuxième tour de la présidentielle dans tous les cas de figure. Là où la situation est peu réjouissante pour le chef de l'État, eh bien c'est qu'il serait éliminé dès le premier scrutin. L'étude démontre que seul Alain Juppé est en mesure d'entamer le second tour en tête juste devant la présidente du Front National. On parle sport maintenant avec du foot, Ligue 1 et Ligue 2 aussi. Ouais, alors on enchaîne aujourd'hui avec l'ouverture de la 7e journée. Paris se déplace sur la pelouse de Toulouse. Ce sera encore sans Atem Ben Arfa. L'ancien niçois n'a pas convaincu Unai Emery à l'entraînement. Alors pour ceux qui en doutent encore, le coach basque semble vraiment vouloir se passer des services de l'attaquant, à moins qu'il ne teste sa résistance et son mental avant d'en faire un élément capital. Il a déjà fait ce genre de procédé quand il était entraîneur de Séville. En tout cas, il restera aujourd'hui Ben Arfa au camp des loges pour s'entraîner avec les blessés et les autres recalés. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. Et puis la Ligue 2 avec la 9e journée, 8 matchs au programme. Bourg-en-Bresse-Laval, 3 tours. Auxerre-le-Havre, Red Star Niort, Orléans-Amiens, Gazelle-Acnimes, Clermont-Foot, Strasbourg et Sochaux-Ajaccio. Début des rencontres à 20h. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure avec toi à 7h. Il est 7h moins 27 minutes. Autrement dit, faites le calcul, 6h33. Bravo. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. C'est le morning de Default sur Skyrock. Bon, j'espère que vous aussi, vous êtes en pleine forme. Moi, j'ai eu un peu de mal à me réveiller ce matin. On sent que c'est vendredi quand même. Hein. Mais là, ça y est, c'est parti. Ça va mieux. C'est parti, mon kiki. Oui, et là, je vois Romano qui est très heureux, qui gigote dans tous les sens. Les conseils pas chers approchent. Oui, conseils pas chers. Comment récupérer une voiture gratuite pour le permis de conduire, vous allez voir. Ouais, pour vous entraîner pour le permis, c'est ça ? Oui, par exemple. Ouais, parce que quand tu t'entraînes, tu risques de faire des conneries, vaut mieux le faire avec la voiture d'un autre. Ouais, c'est clair. Si tu le fais avec ta voiture à toi, c'est un peu compliqué. Bah, tu risques de l'abîmer. Tiens, combien ça coûte le permis, t'as demandé, Romano? Ouais. Eh bien, 800. Là, ça dépend, ça dépend vraiment de la région. J'ai du 800 euros, j'ai du 1700 euros, donc ça va du simple au double. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 800 euros, c'est pour qui? C'est pour Ananas. 1700 euros en Haute-Savoie, c'est pour Jacour. Ouais. Salut à toi, Jacour. 1200 euros, c'est pour Danick. Ouais, de toute façon, moi, je vous l'avais dit, ça coûte cher. Ouais, le trop permis. Cher. Ouais, et nous, on a 1500 euros à vous offrir. Ça peut vous servir pour le permis, si vous en avez besoin, pour ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez des 1500 euros sur Skyrock. C'est pour vous. Oui, c'est pour vous, c'est toutes les demi-heures. Et c'est parti maintenant. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Et gagner 1500 euros à la seconde, c'est pas mal ça. C'est bon. C'est vrai, Skyrock, regardez, une seconde. Ah bah ouais. 1500 euros, où est-ce qu'on va aller ce matin? On va dans le 45, le Loiret. Amis et amieux du Loiret, ouais. Skyrock débarque chez vous. C'est parti à Olivet et on appelle Gildas Métro. Hein? Bien pratique quand on veut prendre des transports. Exact. Gildas Métro à Olivet dans le 45. 3. Bonne chance Gildas. Ah oui, 5 sonneries, faut répondre avant la 5ème. 4. Oui. Vous avez entendu, Cariole a appris à conduire. Oui, ah, à compter, pardon. Et toi, apprends à parler. Oui. Allô Gildas. Non mais attends. Gildas. Oui. Oui. Comment ça va Gildas? Adieu. Oui, c'est qui? C'est qui? C'est la radio, Gildas. On est en direct à la radio. On te réveille peut-être ce matin. Ah, pas du tout, j'écoute. Ah, t'écoutes. Bon, bah, c'est bien. J'espère que tu nous écoutes surtout parce qu'on va, te proposer de gagner 1500 euros ce matin. Gildas, il décuve, je crois. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Gildas. Il faut répondre à une question. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. T'es prêt, Gildas, à répondre à la question? Vas-y, envoie. J'envoie. Attends, hey, Gildas, on envoie le bois, là. J'envoie la question. C'est parti. Quelle est ta radio préférée, Gildas? Des dieux. Très bonne question. Tu sais que je pose toujours de très très bonnes questions. On attend ta très bonne réponse. Maintenant, il nous faut une très bonne réponse. Ça, Gildas. C'est moins sûr. Ah, ah. Bah vas-y, jette-toi, Gildas. T'as fait la fête, je te... radio, par exemple. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, Non. T'as fait la fête cette nuit un peu, non? Ah, va savoir. Ah, là, ça s'entend un peu. Va savoir. T'es en décuvation, là. Ça décuve. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, bah, ça s'entend. C'est ce que je pensais. Eh bien, écoute, en tant qu'alcoolique, je sais ce que c'est. C'est pas grave, t'as perdu, Gildas. Mais t'auras tout oublié quand tu vas te réveiller demain. Ouais, ça, t'inquiète pas. Ah, tout oublié. C'était Skyrock au téléphone, Gildas. Ah, bah, tu vois, j'aurais pu. Eh ben, t'aurais pu. Bah, j'espère que ça viendra la prochaine fois, en tout cas, Gildas. Hein. Voilà. On te souhaite une bonne journée. Vous de même, les gars. Et ne prends pas la voiture ce matin, attention. Hein. Non, il va se coucher, voilà. Je pense. Repose-toi bien, Gildas. Hein. Parce que nous, dans un instant, on prend la voiture, on fait auto-école ce matin. C'est parfait. Parfait, tu vas voir. Parfait. Bonne journée, Gildas, à la prochaine. Au revoir. Ciao. Allez, au revoir. Ciao, Gildas. Salut, Gildas. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Des réveils. Ouais, et dans une demi-heure, on recommence. Encore 1500 euros à gagner. Voilà. Il suffit de répondre Skyrock, vous connaissez le principe. Hein. Inscrivez-vous au 720-20, vous envoyez 1500, 720-20, ça peut vous aider. Et avant, les conseils pas chers, c'est Ken Jones et Don't Mind sur Sky. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa. but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love her, mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love her, mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love her, mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go. Ken Jones, Don't Mind sur Skyrock à 6h40. On est pile à l'heure pour les conseils pas chers de ce matin, de ce vendredi. Et on va vous donner les villes, non, les départements. Départements, ouais. Les départements français dans lesquels le permis est le plus cher et dans lesquels le permis est le moins cher. En gros, où il faut pas le passer et où il faut le passer. C'est ça. Bon, bon. Après, oui, tu vas pas faire 800 km pour aller passer ton permis. Ça fait un peu. À chaque heure de conduite, ça revient un peu cher. C'est vrai. Et c'est vrai que t'as pas trop le choix au final. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu le passes près de chez toi. Tu l'as passé où, Romano? À Paris, toi? À Boulogne-Billancourt. À Boulby. Ouais, et l'épreuve, elle était à Antony dans le 92, parce qu'il y avait un peu trop de monde. Quand c'est dans Paris même, ils te font passer en dehors de Paris, parce que l'épreuve, ouais, ça peut être genre tu fais 10 mètres dans les bouchons, quoi. Oui, c'est bon, ça, c'est bien, t'as moins de risques. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'ils le font passer un peu en banlieue parisienne. Mais ouais, c'est moins valable comme c'est permis, clair, là. Bon, vous voulez passer votre permis, vous avez quelqu'un qui passe le permis dans la famille, écoutez bien, voici les régions dans lesquelles les départements. Tu l'avais passé à Saint-Etienne, toi? Ouais, moi j'avais passé à Saint-Etienne. À Roche-la-Molière, exactement. Non, non, non, non. J'avais passé à Saint-Etienne, Saint-Chamond, Chambon-Feugerolles, La Ric, Montbrison. Et Difou l'avait fait une virée avec le moniteur auto-école là-dedans. C'était éclaté, en 2-3 heures, comme ça, sur les routes. Comme un dingue. Alors, c'est où que c'est le plus cher? On va commencer par les départements où le permis est le plus cher en France. Bon, ouais, comme beaucoup de trucs, c'est à Paris. Hein. Ah, les Parisiens, vous vous faites mais tamponner. Ah ouais, mais à tous les niveaux. Oui. Alors, le permis de conduire, bon, c'est des moyennes, hein. Ouais. Donc forcément, il y en a qui payent moins cher, il y en a d'autres qui ont payé plus cher. 2140 euros. Ah, 2140 euros en moyenne pour le permis de conduire à Paris. Ah ouais, ouais, bah c'est cher. Très cher. Ouais, mais t'as un forfait 20 heures, mais il suffit que tu prennes 10 heures en plus, les 10 heures, elles te coûtent cher. Hein. Sinon, après Paris. Deuxième, Haute-Savoie, 2129 euros en moyenne. Ah ouais, ouais, Haute-Savoie, 74. On a offert 1500 euros hier, on a bien fait, ils ont besoin de sous. Troisième, les Yvelines, ouais, 2104 euros. Ah ouais. Quatrième, les Hauts-de-Seine, 2055 euros. Encore région parisienne. Ouais. Bon, et cinquième, l'Essonne, 2042 euros. Encore région parisienne. En gros, de Paris ou là. Et merci, la Haute-Savoie, de vous être. Ouais, glissé dedans. Glissé dans le classement. Autrement, c'est tout région parisienne. C'est clair. Et après, les 5 moins chers, territoire de Belfort, c'est les moins chers, 1468 euros. Mmh. Deuxième, c'est le Nord, 1484 euros. Ah ouais, dans 5-9. Après, vous pouvez aller le passer en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est pas à côté, mais ça peut faire un peu de vacances en même temps. Oui, vous faites passer le permis bateau pour y aller déjà. 1551 euros. Le Gard, 1578. Et ensuite, les Pyrénées-Orientales, 1589. Bon, ben, c'est et bien. Les autres, et tous les autres départements, ben, vous êtes entre, en fait. Vous êtes entre les deux, vous êtes dans la moyenne. Voilà, les plus chers, les moins chers. Mais comment faire pour faire des conseils pas chers à partir de là, Romano? Eh ben, je vais appeler des familles et leur demander s'ils peuvent pas me prêter leur voiture pour que je m'entraîne pour le permis de conduire. Parce que les heures de conduite, ça coûte trop cher. Puis bon, s'il y a une galère avec la bagnole, je préfère que ça soit avec la leur. Mais t'as raison. Évidemment. Allez, c'est parti. Angelina Jolie est célibataire. Romano est déjà sur le coup. Ouais, en même temps, elle est tellement riche. Les conseils pas chers sur Skyrock. Sinon, il reste Brad Pitt, hein. Ah non, mais il prend aussi. Hein. Oh, je prends les deux. Aussi Brad Pitt. Tu prends, ouais, ouais, tu prends les deux. Je pense pas même que lui, il est plus riche qu'elle. Hein. Ah, je pense large. Donc, à la limite, tu préfères, ouais, coucher avec Brad Pitt. Ouais, je vais prendre Brad Pitt directement. Alors, c'est parti. Direction les familles. Ouais. Donc, tu vas leur réclamer leur voiture. Voir s'ils sont sympas, les gens. Prêtez-moi votre voiture pour que j'apprenne à conduire. Ouais, oui, oui. Une petite journée, quoi. Oui. Allez, c'est parti. Ouais, c'est Roland. Chez Roland. C'est Roland, ton client. J'espère que Roland est véhiculé déjà. Comment? Enculé quoi? Non, véhiculé, oui, j'espère que Roman est véhiculé aussi. J'espère qu'il est téléphonisé aussi, ouais, Roman. Ouais, pour le moment, déjà, pas des, ouais, masses. Pour l'instant, pas trop, ouais. Ou alors, elle a le sommeil difficile, ça arrive aussi. Hein. Vous voyez, Salimette. Qu'est-ce qu'elle dit? Permis de conduire, alors voilà, attention, c'est un recours, Salimette. Attends, on a quelqu'un. 5800 euros, elle a payé. Allô? Allô? Guillaume. Allô. Guillaume. Ah, c'est Guillaume. Guigui. Et Guigui. Guigui. Sors-toi la tête du cul, Guigui. Guigui. Es-tu là? Bon, tu disais. Bon, Romano. Je disais. Il y a Salimette, là, 27 ans, qui nous a envoyé un message. Son permis, elle a payé 5 800 €. Bravo, Salimette. Quand tu fais fonctionner l'économie. Elle a fait 82 heures. Nicolas. Allô, Nicolas. Oui. Oui, bonjour, Nicolas. Oui. Oui, bonjour. Excuse-moi de te déranger. J'habite pas long, très loin de chez toi. Je suis le fils du monsieur, tu sais, qui a l'assez gros nez. Hein. Oui, non, mais rigole pas. Rigole pas derrière, je suis en train de rigoler, disons. Parce que je t'explique, je suis en train de passer le permis de conduire et il me faudrait quelques heures en plus. C'est un peu cher, est-ce que je pourrais t'emprunter ta voiture, disons, quelques heures ce jour? Pour faire de la conduite accompagnée. Non, en tout cas, le gros nez, il a souri. Ah, il a adoré ça. Et ça, c'était très drôle, moi j'ai trouvé ça super aussi, vraiment. C'est le moment le plus drôle du morning pour l'instant. Hein. Je pense d'ailleurs que ça le restera. Attends, je vais te le refaire. Je croise les doigts pour que ça réponde pas. Voilà. Monsieur Grenet. Comme ça, tu seras puni, Romano. Puni pour ton arrogance. Non, mais il faut que ça réponde. Hein, comme ils disent les profs, t'es puni pour ton arrogance. Aïe. Eh ben voilà, c'est bien fait, Romano. T'as vu, tu es puni pour ton arrogance, ça répond plus. Ah non, non, non. Et si, si, si, si. Et si, si, si. Sinon, il y a Hichem Futur pour le permis. Le permis en Algérie, on peut l'acheter pour 150 €. Allô. Oui. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est Hugo. Nico. Nico. Ah mais ouais, mais il faut me donner les bons prénoms. Nico, aussi. Mais c'est toi qui a bugué. Mais tu prononces mal. Ça, c'est incroyable. Ça. Tu as été puni, Romano, puni de ton arrogance. Je te l'avais dit. Bon, de toute façon, il y a Hichem, il met tout le monde d'accord. Là, c'était le message que je suis en train de vous lire. Le permis en Algérie, on peut l'acheter pour 150 € sans le passer. Voilà. Ou alors auprès du mec d'Abel Bent aussi, tu peux l'acheter le permis. Hein. Ah, ouais. Ouais, mais là, tu peux plus là parce qu'il est en prison là. Je crois. Non, il est sorti. Ah, il est sorti. Il est sorti. Oui, mais je pense qu'il a arrêté le business. Il vendait des permis gratuits pas cher. Ouais, ouais. Il a vu l'auto-école. Il a vu une magouille avec la préfecture. Il s'est fait choper. Il avait même vendu son permis à des footballeurs, je crois. Bah, Samir Nasri, par exemple. Voilà. Il est toujours dans les bons coups, comme tu disais l'autre jour. Non, mais c'est vrai. C'est ouais. Bon Samir. Ah ouais, c'est hallucinant. Dans un instant, c'est Rihanna qu'on va retrouver avec Calvin Harris. Rihanna, Calvin Harris, V6 Vatu, Kemfort et le sondage du morning. Pour ce matin, sondage qui concerne le week-end. C'est normal, on est vendredi, il va faire beau. On parle du week-end des Français. Mais avant ça, l'horoscope. Dans une minute, l'horoscope de l'amour sur Sky. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94 € le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69 € le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87 € le kilo. Lidl, 5,38 € le kilo. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95 € quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95 €. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et c'est parti pour l'horoscope sur Skyrock à 6h47. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, on va voir ça tout de suite avec pour les poissons et les Verseaux un 0 de puissance amoureuse pour ce matin. Mais que se passe-t-il ? Non, ça va pas fort. Attention aux flatteurs, aux flatteuses. Restez sur vos gardes. Ah oui. Oh, qu'il est beau. Faites gaffe. On peut se foutre de votre gueule. Faites attention. Si vous restez sur vos gardes, tout ira mieux. Les Verseaux et les poissons, 0. 1 sur 5, les cancers et les gémeaux. C'est la routine qui vous prendra un petit peu la tête. Mais bon, c'est vendredi. Hein. Vous allez pouvoir vous changer les idées ce week-end. 2. On a les balances et les taureaux à 2 sur 5. Ne vous comparez pas aux autres. Vous avez plein de qualités. 3. Les scorpions et les vierges. C'est pas mal. C'est même bien. D'ailleurs, pour les célibataires, c'est grâce à des amis que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Mmh. Ouvrez l'œil si vous êtes célib. Et pour les couples, votre partenaire cherchera la discussion, voudra parler avec vous. Un bon contact entre vous pour les scorpions et les vierges. Bien. 4 sur 5. Les sagittaires et les capricornes, vous aurez un regard de braise aujourd'hui. Oh, comme wow. Ouais, exactement, ouais. Vous arriverez facilement à vos fins. Vous avez de la chance. L'amour sera avec vous. C'est un beau 4 et un beau 5 pour les béliers et les lions. En ce vendredi, vous aurez de la chance dans tous les domaines de la vie. Mais tous les domaines. Amour, argent, travail, bahut, si vous y êtes, tout va vous sourire. Profitez-en. Bah, jouez à l'euro million, hein. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est vendredi. Ah bah ouais, c'est vendredi. Ah, faut jouer. Bélier Lyon, enfin vous faites ce que vous voulez surtout. Hein. Oui, non mais bon, c'est un petit conseil. On travaille pas pour la Française Jésus, ils prennent même pas de pub sur Sky en plus. Non, c'est vrai. Il est 6h49, dans un instant, pas de pub. Hein. Dans un instant, c'est le sondage du morning. On va parler du week-end des Français et tout ce que les Français ne font pas le week-end. Ok. Allez, on s'en occupe, il est 6h49. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur le son de Calvin Harris, This is what you came for sur Skyrock. Soprano arrive et tout de suite le sondage du morning. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Et le sondage qui concerne les Français et leur week-end. Bah, nous et notre week-end. Hein. On parlait tout à l'heure ce qu'on allait faire ce week-end. Il y en a qui allaient au bord de la mer, qui allaient s'éclater. Il y en a qui partaient faire de la moto. J'ai vu aussi tout à l'heure. Ça, c'est sympa faire de la moto quand il fait beau. Ouais, faites attention, hein, parce que Cédric a fait de la moto. Oui, nous on a un motard dans l'équipe, Cédric, c'est classé la clavicule. La clavicule et quatre cuts. Le sondage de ce matin, le sondage de ce morning, c'est simple, c'est sur l'hygiène des Français le week-end, et puis sur leurs activités. On va découvrir quel est le nombre de Français qui ne boit pas d'alcool le week-end, le pourcentage des Français, quel est le pourcentage des Français qui ne se lavent pas le week-end, et le pourcentage des Français qui ne se lavent pas, mais que les dents. Ils se lavent le reste, mais ils ne se lavent pas les dents. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Allez, quel est le pourcentage des Français qui ne boit pas d'alcool le week-end? Hallucinant le chiffre. Je sais pas, c'est gros. 30%. 30%. J'aurais dit un truc de ce style aussi, ou arrange plus. Non, bah non, on est quand même un pays d'alcooliques. C'est vrai, Romano. Moi, je dirais, allez, 20% des gens qui boivent pas le week-end. 20% seulement, ça veut dire qu'il y en a 4 sur 10 qui boivent pour toi. Ouais. T'as dit quoi? Non, 8 sur 10. 8 sur 10, oui. 8 sur 10. Je savais que je m'étais trompé dans mon calcul mental, dis donc. Hey, toi, t'as pris des cours de maths avec Marie de la Radio Libre. Ah ouais.

aussi, comme Soprano à 7h-1 sur Skyrock. Bonne journée à vous, bonne chance pour les 1500 euros. C'est dans un instant, ça arrive, on va pas perdre de temps, hein. Ouais. Bon, rendez-vous avec les conseils pas chers à 7h40, rendez-vous avec Info Mytho à 7h20 et votre iPhone 7 à gagner, et rendez-vous ce matin avec un film dans le Réveil de Star. On en reparle tout de suite après les infos. Rémi, il est 7h, on est pile à l'heure. Alléluia. Wow. Ah, c'est pas souvent, hein. Pile à l'heure pour les infos, mais 7h00, hein. C'est parti pour la météo. Et un temps qui ressemble à celui d'hier, ça veut dire du soleil bien présent sur l'ensemble du territoire, ça c'est la bonne nouvelle, quelques petits nuages dans le sud-ouest et à l'est, mais rien de bien méchant. Attention aux brumes matinales si vous êtes sur la route là du côté de l'Île-de-France et de la Bretagne. Demain samedi, rien à signaler, là aussi ciel bien dégagé, ça va se gâter dimanche en revanche avec des averses sur l'ouest et en région parisienne. Les températures stationnaires par rapport à hier, entre 8 et 17 ce matin, 15 à Paris, de 17 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 3 et 5 à Paris, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Marseille et Grenoble. Et ben voilà, faut venir avec une météo comme ça tous les matins, c'est la bonne humeur. J'essaye. Le point sur l'actu, c'est parti, l'actu et le sport sur Skyrock avant vos 1500 euros. Un petit rappel pour les franciliens, dimanche, c'est une nouvelle journée sans voiture. Paris est réservé aux piétons et aux cyclistes. Le dispositif est étendu, hein, par rapport à l'an dernier. Les 11 premiers arrondissements de la capitale seront totalement fermés. Cela représente 650 km de routes impraticables. Paiera ou paiera pas, la cour d'appel de Versailles dira ce matin si Jérôme Kerviel doit rembourser ou non 4 900 millions d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Le parquet a estimé avant les vacances d'été que l'ex-trader ne devait rien. Cela fait 8 ans que la procédure est en cours. Il est encore peut-être pour quelques heures l'homme le plus endetté de la planète. Un vaste trafic de cocaïne démantelé à Marseille. Les policiers ont mis la main sur un business qui alimentait tout le département des Bouches-du-Rhône. 10 personnes ont été interpellées. 7,5 kg de cocaïne saisie pour une valeur de 500 000 euros. Un homme tué par balle en Corse. Il a été mortellement blessé cette nuit alors qu'il roulait en direction de Bastia. La victime est bien connue des services de police. Tout laisse à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte. C'est le 12e homicide par balle depuis le début de l'année sur l'île de Beauté. Alors on va faire football maintenant. On va revenir sur l'île de Beauté. Une sanction pour Bastia, mais la Ligue 1 d'abord. Ouais, ouverture aujourd'hui de la 7e journée. Paris se déplace sur la pelouse de Toulouse. Ce sera encore et encore et encore sans Hatem Ben Arfa. Et j'ai dit 3 fois encore, mais normalement c'est 4. Hein, oui, parce que c'est 4 fois qu'il n'est pas là. Ouais. Voilà, l'ancien Niçois n'a pas convaincu Unai Emery à l'entraînement. Pour ceux qui en doutaient encore, le coach basque semble vraiment vouloir se passer à des services de l'attaquant gaucher, à moins qu'il ne teste sa résistance et son mental. Avant d'en faire un élément capital, il a déjà fait le coup à Séville, alors pourquoi pas. Il restera en tout cas aujourd'hui à Thème au camp des loges pour s'entraîner avec les blessés et les autres recalés du groupe. Coup d'envoi du match ce soir à 20h45 et puis une tribune fermée ce week-end à Furiani, conséquence des incidents survenus lors de la première journée le 12 août à l'occasion du match Bastia-PSG. Décision prise par la commission de discipline de la Ligue, le club devra également verser une amende de 20 000 euros. Voilà, bonne chance les Bastiais. Merci Rémi pour les infos, la suite tout à l'heure à 7h30, il est 7h02 sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Hey, MSD dans le morning, good G-Fool. Hey, what's up? This is 50 Cent. You're now listening to my homeboy, The Fool. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de G-Fool. The morning show! 6h-9h sur Skyrock. Il y a même 50 Cent qui se réveille avec nous et on va l'écouter, 50 Cent. Ouais. On met Candy Shop. Ah, non? Candy Shop, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, Romano. Bon choix. Candy Shop, juste après DJ Snake qui arrive là. Et puis, dans ces eaux-là, on aura aussi le réveil de Star. Aujourd'hui, c'est un film. Un film qui est passé hier à la télé sur la 9. C'est ça. La vérité si je mens. La vérité si je mens. Bien joué, Romano, mais tu es trop fort. Ouais, la vérité si je mens avec la phrase culte, vous le savez. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Et voilà. Du romantisme. Mais en veux-tu, en voilà. On va voir si les gens reconnaissent la vérité si je mens. Parce qu'ils reconnaissent. Hein. Oui, quand même. Au bout d'un moment, tu te dis, mais j'ai déjà entendu, je vais te casser tes petites pattes arrière quelque part, là. Eh bien, dans un instant, famille qui se réveille avec la vérité si je mens. Réveil de star, réveil de film star ce matin-là. Ouais. Et à 7h10, sur 3, eh ben c'est parti pour les 1500 euros de l'argent à gagner. C'est pour vous sur Sky. 3 gagnants hier matin. Ouais. Combien ce matin? Eh ben on va voir ça tout de suite, c'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et c'est vrai que quand Skyrock vous appelle dès le matin, c'est une bonne nouvelle dès le réveil. Romano, ouvre l'enveloppe. Ça y est, elle est ouverte. Elle est ouverte et elle est ouverte et elle nous amène où? Dans le 92. Ah, attention, les Hauts-de-Seine, le 9-2, 1500 euros à gagner si vous nous écoutez. La Garenne-Colombes et c'est Adrien Galante. Adrien Galante. Tu es galante, Romano, ce matin ou pas? Énormément. Énormément. Les filles, vous vous en rendrez compte avant la fin du morning, il est tellement galante. Bonjour, monsieur Galante. Bonjour. Bonjour, monsieur Galante. C'est la radio au téléphone, tu es Adrien, toi? Oui, c'est moi. Salut Adrien. On t'a tiré au sort ce matin, c'est pour ça qu'on t'appelle. On t'appelle en direct pour te poser une question et pour t'offrir surtout 1500 euros, Adrien. Non, mais j'y crois pas. Ah. Il faut y croire, c'est vrai. Pince-toi. C'est un truc de ouf, là. Oui, pince-toi, ouais. Fais-toi mal. Non. Vas-y. Tu peux pas allumer la radio, s'il te plaît. Faut allumer la bonne maintenant. Il faut 96.0, t'as vu? 96.0, a priori, c'est la fréquence que j'écoute aussi à Paris, moi. Ouais. Ah, putain. Ouais. Ça a l'air bien parti. Là, c'est bien parti. Quelle est, bon. Quelle est ta radio préférée, Adrien? Skyrock, sa mère. C'est gagné. Bip, bip. Bien joué, Adrien. Tu viens de gagner 1500 euros à La Garenne-Colombes. Bien joué, bien joué. Ah, bah, ça fait plaisir. Et eh ben voilà, on n'aura pas attendu longtemps pour notre premier gagnant de la matinée. C'est maintenant. Oh, putain. Bravo, Adrien. Bah, présente-toi un petit peu. Ma copine qui pensait que je la trompais, j'étais loin là, je reçois un appel d'une femme, vous savez pas qui c'était, j'étais pas bien là. Non, je suis ni fou là, mais c'est vrai que dans le téléphone oui, ça fait un petit peu. Si je répondais ou pas. Ah non, mais c'était pas nous ça. Ah non, non, non. Ah non, c'était pas nous. Ah bon, bah c'est peut-être une autre femme. C'est, ouais, fais attention, ne dis rien. Elle dort ta copine ou pas? Comment? Elle dort ta copine? Non, non, elle est juste à côté. D'accord, tu lui fais un gros bisou, c'est quoi son prénom? C'est Flora. Eh ben Flora et Adrien, vous venez de gagner officiellement, je vous l'annonce maintenant, à 7h05, 1500 euros sur Skyrock. Vous allez en faire quoi des 1500 euros? Plaisir. Du plaisir. Plaisir. Du plaisir. Plaisir. C'est marrant, on a tous pensé à un truc cochon, on est grave. Hein. Plaisir. Ah, bah ça peut y être aussi. Hein. Bon, bah, vous allez peut-être fêter ça avant de partir sur l'oreiller. Profitez bien. Exactement. Les 1500 euros, on te les envoie à la maison très très vite, Adrien. Oh, putain, nickel. Passe une belle journée. Une petite dédicace? Ah, bah fais ce que tu veux, vas-y. Moi, je fais une petite dédicace à tout Odie Vélizy. Et à toute ma famille, à tout le Portugal, voilà. Eh bien, on salue le Portugal. Viva Portugal. Salut Adrien. Viva Portugal. Salut la chérie. Et puis, ben, tenez-vous prêts, hein, vous aussi, hein, tout à l'heure, à 7h30 peut-être, 1500 euros à gagner, si vous répondez Skyrock. Bouge pas Adrien, prends tes coordonnées, le chèque arrive dans la semaine prochaine. Yes, merci. Salut Adrien. Salut. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait... Non, putain, non, je suis refait là. Dès le réveil, dès le réveil. Ah bah ouais, le morning qui fait plaisir. Et DJ Snake et Justin Bieber, juste avant notre réveil du star, de star, un film star ce matin, la vérité si je mens. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Let me love. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Justin Bieber sur le son de DJ Snake. Let me love you. 50 Cent arrive avec Candy Shop. Et là, il est pile 7h10. C'est l'heure de notre réveil de stars. Oui, qu'est-ce qui fait? Alors, les stars réveillent la France. Je sais pas qui vous êtes. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et oui, mais qu'est-ce qui c'est? Eh bien, qu'est-ce qui c'est? Aujourd'hui, un film star qui est passé hier soir sur W9. C'est La Vérité si je mens. Vérité si je mens avec le célèbre Serge Benhamou. La Vérité si je mens. Eh oui, La Vérité si je mens. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Oui, raconte ce que tu nous as dit tout à l'heure, Romano, pour ceux qui n'ont jamais vu La Vérité si je mens, le film. En quelles circonstances il passe un coup de fil en disant je vais te casser tes petites pattes arrière? Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Bah en fait, la scène là, il est avec des potes. Oui. Et les potes, il y a le téléphone. Et les potes lui disent, ouais, il y a une meuf trop bonne au téléphone. Donc il lui parle, il dit, ouais, je vais te casser tes petites pattes arrière, etc. Et en fait, il se trouve qu'au téléphone, c'est sa mère, c'est une blague de ses amis. Hey, un truc que vous pouvez faire à des potes, ça. Si vous avez un pote qui est assez chaud, n'hésitez pas à vous appeler sa mère, vous lui dites, tiens, il y a quelqu'un. Et l'autre, il se déchaîne, oh, je vais te casser les petites pattes arrière. Bon, le réveil de star avec La Vérité si je mens ce matin. Et Serge Benhamou, la star de La Vérité si je mens, qui appelle Patrick à la rencontre. C'est tout de suite sur Skyrock. Patrick, Serge Benhamou, La Vérité si je mens. Voici. Oui. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah oui, pourquoi? J'ai un copain de Dove, il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté, ça tombe bien, je suis un gros gros chaud de la bite. Oh oui, bah oui, d'accord, oui. Ah. Tu m'amènes une petite bouteille de champagne? Oui, bah oui, pourquoi pas? Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Ah bon? Mais pas, bah oui, mais non, j'ai pas de pattes moi, je suis pas un chien, je suis pas une chienne non plus. Hein. Ah, c'est une blague. Ah bah non, hein. Moi, je suis une femme. Moi, je suis une femme. Patrick! Ah oui, oui, oui, oui. Tu viens? Patrick? Allô, oui. Ah. Allô? Oui? Elle est mignonne, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh, tu ne parles pas comme ça? Ouais, va te faire enculer. Allez, va te faire niquer aussi. Bah écoute, merci, hein? Ouais, bah tu vas. Écoute, tu commences à m'emmerder. Moi, je suis quelqu'un de simple. Et j'ai besoin d'amour. Et je suis radin de toi. Ouais, bah, attends, je suis pas pédé, moi. Hein. C'est pas de ma faute, tu es amoureux! Alors, va te faire niquer, hein, va te faire enculer si tu veux, mais me fais pas chier. Sur ma vie, c'est la vérité, putain! Mais oui! Mais oui, bon, c'est la vérité! Moi, je comprends Patrick, parce que Serge Benhamou a failli serrer sa femme juste avant. Hein. Ouais, en même temps, sa femme, elle avait pas l'air contre. Non, mais sa femme était. Oui, c'est pour ça que Patrick est arrivé juste derrière. Vous avez vu, il a pris le téléphone tout de suite. Ouais, tiens, je vois ça, ouais. Voilà, pas de cassage de patte arrière quand il y a le mari à côté, Serge Benhamou. Ah, non, c'est pas possible. Voilà, et ils n'ont pas reconnu le film. Non, par contre, ça. Et la femme qui lui dit, je suis une femme. Oui, on a bien vu, ouais. Je suis une femme. C'était la femme de Patrick, c'était Patrick, et c'était Serge Benhamou. Eh oui, la vérité, si je mens. Et là, c'est 50 Cent sur Skyrock. À 7h13, on prépare Info Mytho, vous allez gagner votre iPhone 7 dans un instant. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Woo! Your way, how do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a little rocker. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Woo! Just between me and you, baby. Give it to me, baby. Now nice and slow. Climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, her lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle of stone, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Woo! I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Woo. I'll take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have to spend it all you got. Keep going till you hit the spot. Woo. Ça réveille, ça fait bouger la tête dès le réveil. C'est bon, ça c'était 50 Cent avec Candy Shop sur Skyrock à 7h17. Pratiquement 7h17. Hein. On prépare Alonso, on prépare Ken Jones aussi. Tu m'as donné la prog d'hier, Romano. Mais alors, on va préparer. Voilà, elle est là maintenant. Pitbull et Florida. On passera Alonso tout à l'heure. Hein. On l'a écouté un petit peu plus tôt ce matin, je me disais. On le passe souvent, Alonso, dis donc. Non, mais c'est bien. Ouais, on le repassera, mais plus tard. Pitbull arrive avec Florida et Drake aussi pour One Dance. Et même le nouveau Maître Gims avec Niska. Le nouveau Niska avec Maître Gims. C'est pareil, ils sont tous les deux sur le même morceau. C'est eux qui avaient fait Saper comme jamais. Et là maintenant, c'est Elle avait son Joe. Nouveauté découverte sur Skyrock qu'on vous passera là tout à l'heure avant 8h du matin. Ouais. Bon, on est parti pour maintenant Info Mytho. C'est l'heure de gagner votre iPhone 7 Info Mytho, les infos du monde sur Skyrock. Et une info que j'ai pas loupée pour vous, c'est un gars de 20 ans qui s'est carrément roulé un joint au tribunal d'Evry. Ah, carrément, ouais. Oui, alors il était au tribunal, il se roule un joint. Bon, les gendarmes arrivent forcément parce qu'il y a plein de gendarmes au tribunal, faut faire attention. Hein. Oui, faut faire gaffe, ouais. Donc les gendarmes se pointent, ils l'ont chopé, ils lui ont posé la question, mais pourquoi tu fumes un joint en plein tribunal, t'es con? Il a dit, je suis stressé, c'est pour ça. Ah, bah oui, ouais. Bah pour déstresser. Bonne excuse. Est-ce que c'est une info ou un mytho? Un gars qui se roule un ouinge en plein milieu du tribunal, les keufs arrivent, il leur répond, je suis stressé. Je suis trop stressé, c'est pour ça. Info ou mytho, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous donne le top officiel, vous envoyez vos messages maintenant au 41-759 ou alors sur l'appli Skyrock et vous tentez de gagner l'iPhone 7 dans un instant. Ouais. Avec d'un côté Romano. Oui. Journaliste, reporter, grand reporter, petit reporter, pardon. Petit reporter, ouais. Et de l'autre, Cariole, grande ouais. Reportrice. C'est ça. Et ben, c'est parti. On joue ensemble. La question de sélection, je vous l'ai donnée. Info ou mytho, vos réponses très vite. Bonne chance pour l'iPhone 7. Allez-y, il est 7h18. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€ ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! En ce moment chez But, moins 20% sur le Netbook Polaroid 14 pouces. 159,99€ au lieu de 199,99€. Bon, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Il y a toujours un petit au look irrésistible dans la classe de nos enfants. Les parents doivent se ruiner. Et non, ils profitent des Original Days chez Tape à l'œil. Les magasins 100% mode de 0 à 14 ans. Jusqu'à moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50%. Les Original Days jusqu'au 26 septembre chez Tape à l'œil ou sur t-a-o.com. Valable sur produits signalés dans les magasins et sur le site Tape à l'œil. Leclerc. Le 27 septembre, la plus belle des foires au vin de France s'installe chez Leclerc, le créateur de la foire au vin. À partir du 27 septembre, retrouvez la foire au vin chez Leclerc et sur le site foireauvin.leclerc avec une sélection des meilleurs vins et des incroyables. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Intersport. Chloé, je sais qu'en ce moment c'est Girl Power chez Intersport, mais tu veux pas enlever tes chaussures de sport là ? Oh non, elles sont super légères et trop confortables. Oui, mais là Chloé... Là quoi ? Bah là on est au lit. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la première ligue et la Liga portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur SFR. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400€ d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur Conforama.fr. Le mois, Carrefour ! Pendant le mois Carrefour, il y a des promos renversantes. Il y en a dans tous les sens. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de 3 bidons de lessive liquide Ariel, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Alors accroche-toi, ça va secouer. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 bidons de 23 lavages, différentes variétés. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et c'est vous aussi dans le morning, et on a Marine au téléphone avec nous en direct de La Rochelle. Salut Marine. Salut Marine. Alors il est 7h22 et tu vas gagner ton iPhone 7, je croise les doigts Marine. En tout cas, t'as déjà passé le cap de la question de sélection, ouais. T'as répondu à la question qu'on posait. Alors, d'après toi, un gars de 20 ans qui s'est roulé un joint au tribunal d'Evry, et quand les gendarmes lui ont demandé « Mais pourquoi tu te roules un joint ? T'es con, on va te choper, d'ailleurs tu viens de te faire choper. » Il répond « Bah, je suis stressé, c'est pour ça. » Ah bah, c'est sûr. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho, Marine ? Ben, c'est une info. Bah oui, c'est une info. Le gars a vraiment fait ça. Et il avait aussi une dizaine de grand-mère quand même. Une dizaine de grammes de shit dans la poche. Tranquille. Ouais. N'amenez pas ça au tribunal, je vous le dis. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Bon, c'est bon pour toi, Marine. Tu es qualifiée pour jouer à Info ou Mytho et tu es qualifiée pour gagner l'iPhone 7. T'as quoi comme téléphone ? L'iPhone 4S. Ah ouais, faut que tu changes. Faut que tu gagnes. Attention, ne sois pas piégé. Il y a Romano et Cariole, ils vont te raconter un truc tout de suite. C'est nos infos du monde et c'est Info ou Mytho pour toi. Info ou mytho. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? À toi de détecter le mytho. Et je me tourne vers Romano. Oh, mais tu es brillant, tu as le crâne qui luit en ce vendredi. Tu es très beau, Romano. Je me suis mis en beauté pour faire Info ou Mytho. Tu as raison, c'est pour Marine. Hein, c'est pour... Bon, oui. Alors attention, Marine, écoute bien. Samedi dernier, il y a eu un mariage de célébré à Bourg-lès-Valence. Ah, à côté de Valence. Ouais, donc plus de 200 personnes étaient réunies à la mairie pour le mariage de Caroline et Jérôme. Oh. Bon, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est mis en place dans la salle de la mairie pour célébrer le mariage. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils attendaient, personne ne venait pour célébrer le mariage, monsieur le maire ne venait pas. Il n'est pas venu ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé et le maire n'était pas au courant qu'il y avait un mariage à célébrer. Donc le mec est venu en catastrophe. En pyjama, en fait. Oui, alors, donnez-moi mon écharpe pour m'habiller un peu. Voilà, bon, Le blanc rouge. Le mec est arrivé avec une heure de retard et a finalement célébré le mariage. Tout est bien qui finit bien, ils ont réussi à se marier. Info ou mytho. Voilà, donc ça c'est l'info de Romano, écoute bien celle de Cariole aussi, après tu fais ton choix. Okay. Moi ça se passe à Aigrefeuille d'Aunis, c'est près de La Rochelle, dans une école maternelle. Il y a un directeur d'école qui trouvait qu'à la cantine les enfants étaient trop bruyants. Ouais. Donc il a fait appel à un policier municipal qui vient avec son uniforme et son sifflet. Voilà, et qui matraque les gosses quand ils sont passés. Matraque dans la gueule. Exactement. Oui. Alors en plus tu devrais être au courant, c'est à côté de chez toi la faute Cariole. Ah c'est vrai. Mais oui. Alors d'après toi, est-ce qu'elle a mitonné ou pas ? Et Romano, est-ce qu'il a mitonné ou pas ? Qui est le mytho des deux ? C'est ce qu'on te demande parmi les deux. Je pense que Info Romano et mytho Cariole. Je me retourne vers Romano. Est-ce que tu as dit la vérité, Romano ? La vérité si je mens. Ah merde. Quoi ? Attends, t'as dit info pour moi ? Oui. Oui, bah donc c'est gagné. Ah, tu m'as fait peur. Oui, parce qu'en fait, on s'est trompé. On a fait tous les deux des infos ce matin.

Skyrock à 7h30. On écoutait Green Light et on va écouter le nouveau Maître Gims, le nouveau Niska, les deux sur le même morceau. Avant 8h du matin, c'est promis, on va vous passer. Elle avait son Joe, c'est elle avait son Joe. Bien ce morceau. Ouais. Un Drake aussi, hein, toujours bon, un petit Drake le matin dès le réveil. Et Designer, je sais que ça fait plaisir à plein de monde. Panda, avant 8h du matin. Avant 8h, il va se passer plein de choses. On découvrira la winneuse du jour aujourd'hui. Et oui, on a le top lose, top win tous les jours aux alentours de 8h-5, 8h-10. Aujourd'hui, c'est une winneuse, elle fait de la télé. On vous la présentera tout à l'heure. Et puis les conseils pas chers qui vont nous amener à Marseille. Attention, attention, amis marseillais, on a quelque chose à vous annoncer ce matin. Alerte. Alerte générale à Marseille. Restez bien là, Romano vous dit tout. Les autres aussi, bougez pas, c'est l'heure des infos, il est 7h30. Et on démarre par la météo. Une météo super pour démarrer le week-end. Hein. Ah oui, ça fait plaisir, c'est oui. Vrai. Du soleil quasiment partout aujourd'hui. On a quelques nuages dans le sud-ouest et à l'est, mais rien de bien méchant. Attention aussi aux brumes ce matin si vous êtes sur la route, hein, du côté de l'Île-de-France et de la Bretagne. Demain, samedi, votre week-end, eh bien, rien à signaler. Là aussi, ciel bien dégagé. Par contre, ça va un peu se gâter dimanche, notamment sur une large façade ouest et en région parisienne. Les températures stationnaires par rapport à hier, on a entre 8 et 17 ce matin, 15 à Paris, de 17 à 27 dans l'après-midi. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Marseille et Grenoble. Et toute l'actu avec toi Rémi, c'est parti l'actu et le sport. Rihanna qui demande de l'aide à François Hollande, la chanteuse a balancé c'est un tweet. C'est pas un mytho. Non, c'est pas un mytho, la chanteuse a balancé un tweet où elle identifie carrément le président. Elle lui a envoyé une lettre qui est apparemment restée sans réponse et elle a jugé bon de faire une petite piqûre de rappel. La Barbadienne s'est engagée dans un mouvement humanitaire qui vise à offrir une éducation scolaire aux enfants en situation d'urgence dans les pays de guerre par exemple. Alors elle s'est naturellement tournée vers François Hollande qui a, vous le savez, récemment reçu à New York le prix de l'homme d'État de l'année. On peut lire dans ce tweet, traduction française, j'attends votre réponse, nous avons besoin de votre leadership, une action à laquelle participe aussi Kendrick Lamar. Objectif, éradiquer le trou de la sécurité sociale en 2017, c'est l'ambition affichée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les comptes de la Sécu n'ont jamais été aussi bons depuis 2002, même si la tendance reste très fragile. La ministre en déduit que c'est la fin des déficits sociaux. Elle prévoit même un excédent de l'assurance vieillesse, ce qui serait une première depuis bien longtemps. La fin d'une cavale qui a duré 15 jours, l'islamiste Merwan Benhamed a été interpellé en Suisse hier. L'ancien membre du GIA, le groupe islamiste armé, était assigné à résidence en Mayenne, d'où il a pris la fuite. Il s'était rendu en Suisse avec sa femme et ses 4 enfants pour effectuer une demande d'asile politique. Il a été placé en détention. Une enquête ouverte par l'IGPN, la police des polices à Béziers dans l'Hérault. Un homme de 46 ans est mort cette semaine au cours de son interpellation. Il faisait du bruit et gênait les riverains en pleine nuit alors qu'il se promenait dans la rue en caleçon. L'arrestation a été difficile puisque l'individu s'est débattu. Son pouls s'est emballé, il avait des difficultés à respirer. Les premiers éléments de l'enquête tendent vers une mort naturelle. Fait le point sur le sport maintenant, la Ligue 1 et du hand aussi. Ouais, semaine chargée pour les joueurs de Ligue 1. On enchaîne aujourd'hui avec l'ouverture de la 7e journée. Paris se déplace sur la pelouse de Toulouse. Ce sera encore une fois sans Atem Ben Arfa. L'ancien Niçois n'a toujours pas convaincu Unai Emery à l'entraînement. Le coach basque semble vouloir se passer des services de l'attaquant, à moins qu'il ne teste son mental pour ensuite le prendre comme un pilier de son équipe. Et il va les faire craquer, vous allez voir, il va les faire craquer. Ouais, bien, le pauvre Ben Arfa. Et quand est-ce qu'il va jouer? Ça fait 4 matchs qu'il joue pas, le pauvre Ben Arfa. Ça fait 4 matchs, mais bon, voilà. C'est assez marrant parce que les autres entraîneurs sont assez caustiques, hein. Duprat, là, du côté de Toulouse, qui a dit, non, mais moi, je le récupère quand vous voulez. En prêt, il n'y a pas de souci, il peut venir quand il veut. En tout cas, aujourd'hui, il va rester au camp des loges pour s'entraîner avec les blessés, les autres recalés. Coup d'envoi du match, 20h45. Du hand et la suite de la première journée de D1. Les favoris ont répondu présent à l'appel hier soir. Chambéry s'impose 29-20 contre Dunkerque. Victoire de Montpellier, 31-29 face à Toulouse. Dernier match dimanche entre Créteil et Nantes. Eh bien, merci Rémi pour les infos. La suite à 8h du matin. Il est 7h33 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de default sur Skyrock. The Morning Show. Et bon réveil et bonne journée à vous tous. Bon week-end aussi. Vous avez entendu de la météo comme c'est bien. Ça va faire beau aujourd'hui là. Ça va être beau ça. On salue ceux qui se réveillent avec nous sur le 41-759. Merci pour les messages. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là en pleine forme. Bonjour à Timoni. Bonjour à Semena qui vient d'arriver aussi. Salut tout le monde. Elle nous dit bonjour à toi Semena. Ouais. Il y a Yellowman. C'est l'homme qui est tout jaune. Oui, Yellowman, c'est jaune. Oui. Salut Yellowman, bienvenue à toi. J'espère que tu n'as pas une jaunisse. Une jaunisse, c'est ça, oui. Bon, salut à Virax et tous les autres. Oui, on va peut-être vous appeler pour les 1 500 €. J'ai l'enveloppe entre les mains. Bah tiens, on va ouvrir ça tout de suite. On vous offre de l'argent et après Romano, on gagne. Ouais. À Marseille ce matin. Conseil pas cher. Tu veux escroquer les Marseillais? Ouais, je vais les aider. peut-être même leur sauver la vie. Ah oui, tu n'escroques personne. Tu vas les aider, leur sauver la vie. Aux Marseillais ce matin. Ah ouais, bah, si vous habitez à Marseille, vous êtes sans doute au courant. Les autres, vous allez apprendre un truc. Ouais, attention si vous allez à Marseille. Ah ouais, vous êtes content du voyage. On parle d'un truc en plus qui arrive à Marseille, mais qui peut arriver partout. Hein. Partout, ouais. Faites gaffe. On en reparle bah, juste après. Les 1500 euros, c'est parti. C'est sur Skyrock toutes les demi-heures, tous les matins. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde ? C'est Skyrock. Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Oui. Hop là, l'enveloppe est ouverte et devinez où est-ce qu'on va ? À Saint-Étienne. À Marseille. Dire, ouais, à Marseille. À Marseille. Bah, on parlait de Marseille. On va à Marseille et on va offrir de l'argent à la famille Abre ce matin, ou Abres, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est Sandra qui a été tirée au sort. On tire au sort dans les annuaires, on tire au sort dans vos inscriptions aussi, hein, ouais. Quand vous inscrivez au 7-20-20. 1500 au 7-20-20. Ouais, si vous vous inscrivez, on peut vous tirer au sort. C'est fait pour d'ailleurs. Alors, Marseille, la famille Abres. Allô, M. Allez, une dernière sonnerie, c'est la dernière, là. Ouais. Attention, hein, Sandra. Oh, quelle cagade! Un cagade, c'est un cagagué, là. Un cagagué. Bon. Désolé pour Sandra. Eh ben, si vous la connaissez, vous lui dites qu'on l'a appelée ce matin sur Skyrock. Oh non. Eh ben, si, il faut lui dire. Oh non, lui ben, si, il faut lui dire. En tout cas, il y en a un qui a bien répondu il y a une demi-heure. On salue Adrien. Et eh oui, Adrien l'a gagné à la Garenne-Colombe. Ce sera peut-être votre tour dans une demi-heure. 1500 euros à gagner. C'est toutes les demi-heures sur Skyrock. Il est 7h35. Les conseils pas chers, c'est juste après Drake. Ouais. Et puis le maître Gims Niska a écouté aussi avant 8h du matin sur Sky. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là, j'y crois même pas, putain. Le réveil, le réveil. Baby, I like your stuff. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, c'était Drake. Avant d'écouter Maître Gims et Niska, si vos conseils pas chers, écoutez bien son reportage sur les Marseillais. Ouais. Rien à voir avec l'émission de télé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est un reportage. Les Marseillais. Dans la ville de Marseille. Ont un problème, un gros gros problème. C'est un cauchemar, un cauchemar. Oh, c'est un cauchemar. Un cauchemar. L'OM ne gagne pas. Non. Hein. Eh ben, rien à voir avec l'OM pour une fois. Non, rien à voir. Non, pire que ça, écoutez. Ça pique dans les bras et dans les pieds. Et puis ça vous démange et puis ça vous réveille. Alors, c'est quoi qui pique dans les bras et dans les pieds, qui démange et qui réveille? Moustiques? Non, c'est pas les moustiques. Oui, bah quoi, moi je dis ça, mais je sais donc. Oui, c'est pas les moustiques. Romano, tu sais. Bah oui. Alors dis. Les punaises de lit. Les punaises de lit. Alors, rien à voir avec les punaises pour accrocher les trucs au mur, hein. Mm-hmm. Ce sont des petites bestioles. Ah, c'est dégueulasse, ouais. Toutes vilaines avec des pattes, une espèce de gros corps et qui vous sucent le sang. Ouais. C'est les punaises. Et Marseille est envahie par les punaises. Écoutez François, Marseillais qui témoigne. Lampe électrique, le spray à la main, les lunettes pour pas les rater. Et en avant, sous l'oreiller, dans les replis du drap. Alors, c'est une chasse à l'unité alors qu'elles sont des milliers. Ouais, des milliers. Ah, des milliers. Il y en a partout à Marseille. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh, une catastrophe. Alors Romano, j'ai une petite idée pour toi, pour gagner de l'argent ce matin. Tu peux vendre des frigos, parce que si vous avez des punaises à la maison, écoutez, la méthode du Marseillais, il a trouvé une méthode pour se débarrasser des punaises, en tout cas pour qu'elles viennent pas lui piquer, ouais. Ouais, le piquer et lui bouffer ses fringues, en gros. C'est le Marseillais malin. J'ai installé deux congélateurs. Les gens descendent au congélateur, ils mettent des sacs de linge et on laisse ça 24 heures. Les punaises détestent les températures extrêmes et ça, c'est le bon moyen pour les tuer. Eh bien, Marseillaise qui nous écoutez, je vous conseille de dormir dans un frigo. Non mais attends, le problème qu'il y a, c'est si tu fais congeler tes fringues, oui. Le t-shirt par exemple, il est tout raide. Il est raide. Bon, le matin, t'es un peu coincé dedans. Mais bon, au bout d'un moment, ils font. Marseille, il fait beau, Romano. Hein. Ouais, non mais surtout, mais avec les chocs de température, mais tu chopes la crève. Il y a des milliers d'habitants du centre-ville de Marseille qui vivent un véritable cauchemar, invasion de punaises de lit dans leurs appartements. Ouais. Elles piquent, ça gratte, vous avez entendu. Bon, ouais. C'est à Marseille, ça peut très bien arriver ailleurs. Hein. Des punaises. Si vous avez déjà été. Moi, j'ai jamais été. Jamais vu ces bestioles. Ah, ça me dégoûte. Ah, moi non plus. J'ai juste vu la photo là, c'est vrai que c'est pas beau. Hein. Eh bien, Romano, comment gagner de l'argent en rendant service aux Marseillais ce matin? Allez, c'est parti. Du frigo, du traitement, de la punaise, ça tout va, quoi. Allez, il y a des contrefaçons. Nous, on a l'original. Romano et ses conseils pas chers sur Skyrock. Le vrai, l'unique. Le seul. Et le plus radin du monde. C'est moi. Oui, c'est toi. Alors, ton idée, filer à Marseille, tout de suite, on y va. Et puis donc... Ouais, je vais congeler les habits. Hein. Tu m'as dit que t'avais un vieux frigo dans la cave. Ouais, parfait, ouais. Non, marche pas, tu peux... Ouais, mais on s'en fout. Ah, tu le vends quand même. Oui, bah bien sûr. Ouais, vendez des frigos marseillais, c'est pour un traitement anti-punaise, ça peut marcher. Et sinon, t'es députinésier. T'es dépunésiteur. Je suis punaisier. Punaisier. Non. Ah bah non, des punaisiers. Des punaisiers, comme des ratiseurs, donc des punaisiers. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, à l'appareil, je suis des punaisiers. Je vous appelais pour les punaises de lit, là. Oui, mais allez vous faire enculer. Ah bah écoutez, c'est gentil. Mais écoute, très bien. Tu vois, lui, il est victime des punaises, il en peut plus. Le mec vit mal, hein. Le mec, tu lui dis punaise le matin. Ah, va te faire enculer. Genre, par exemple, tu es là. Oh, mais qu'est-ce que j'ai. Oh, punaise. Ah, je suis le mec, des punaisiers. Le mec te saute dessus. Cher Robert. Allô, ouais. Robert. Ouais. Ouais, bonjour, c'est Monsieur Lapin à l'appareil. Je suis dépunaisier. Je t'appelais pour les punaises de lit. Tu rigoles ou quoi? Non, mais t'en as. Non. Bah, si t'en as pas, il y en a dans tous les appartements à côté, tu vas en avoir. Hein. Donc, je vais t'amener un frigo, on va congeler tes affaires dedans. Non, mais sérieux, c'est ce qui marche pour traiter les punaises. C'est vrai? C'est ouais. Génial ça. Donc, J'arrive avec le congélo. Là, il m'en reste un dans ma cave. T'as de la chance. Ouais. Je te l'amène. On l'installe chez toi. On met tes fringues dedans. Plus de problème de punaise. Et je te fais le tout. Écoute bien. J'espère que t'es assis. Assieds-toi. Je te fais le tout pour 500 euros. Waouh. 500 euros. Pas un euro de plus. Pas un euro de moins. Surtout pas un euro de moins. Ah, jamais. Je peux passer dans 5-10 minutes? Non, tu peux pas avant? Bah, je fais plus vite, mais il faut le temps que je charge. Non, le dépêche-toi, congélo. Franchement, bouge-toi, quoi. Viens tout de suite. Allez. J'arrive. Ouais. Ah, j'arrive, Mino. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes. En tout cas, c'est pas mal. T'es de bonne humeur, quoi. C'est cool. Et puis. Bah, je suis dépunaisier. Bah, tu sais, c'est mon métier. Ah, bah, il s'y vient, c'est bien. Il vient de quoi? Hein? Les cafards. Les cafards, t'as quoi? Les cafards, on a des produits, on a tout ce qu'il faut. T'en as aussi? T'as quoi comme produit? Vas-y, dis-moi. J'ai du bégon. T'es fort ou pas? J'ai du bégon vert, des choses comme ça, quoi. Mais non, c'est tout faux, ça. T'as tout faux. C'est du Goliath Gel, tu connais pas? Du? Goliath Gel. Non. Tu connais pas Goliath Gel? Bah, tu connais pas. Bah, tu mets lui. Sur internet, Goliath Gel, tu verras. Bah... Si tu veux faire fortune, tu te lances là-dedans, tu fais punaise et cafard. Et là, à mon avis, t'as du taf. Pourquoi vous êtes chargé à Marseille en cafard aussi? Ah, putain, ouais. Bon, bah, j'arrive, tu vas me montrer ton Goliath Gel. A tout de suite, chérie. Bon, allez. Bisous. Et puis, appelle-en un autre. Bah, hein, c'est ce que je vais faire tout de suite, là. Non, mais c'est fini, Romano. Ouais, non, mais attends, moi, je suis des punaisies ou pas, merde? Oui. Bon, bah, en tout cas, 500 euros, merci, chef. Salut, chef. Et allez, l'OM. Il était sympa, lui. Ouais, sympa. Il t'a donné des conseils. Non, mais Goliath Gin, c'est quoi? C'est un truc de cul, je suis sûr. Je sais pas. Non, c'est un produit anti-cafard, je suis dessus, là. Ah, ouais. C'est un vrai truc. Ah non, je pensais que c'était une connerie. Mais. Alors, Marseille. Ah oui, bonjour, monsieur. Allô? Hôtel. Hôtel Le Ria, bonjour. Ah, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis la société de dépunaisage. Je suis dépunaisier. Oui. Oui, et je dois venir traiter les chambres ce matin, là. Je vois pas qui vous a commandé. Ah bah qui nous a commandé, madame, vous avez eu beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de clients qui se sont plaints des punaises dans votre hôtel. Ah, je suis désolée monsieur, mais ça n'est pas le cas. Je crois que vous appelez d'un appel masqué et je suis très méfiante des appels masqués. Méfiante. J'ai jamais. Mais vous avez raison madame, il y a pas mal d'escrocs qui rôdent, mais vous inquiétez pas, ayez confiance. Je vais arriver dans 5-10 minutes avec le matériel. Ah mais non, mais je veux pas que vous me... Moi, je n'ai pas de punaise, je vous promets, il n'y a personne qui s'est plaint. Ah si, si, bah, je vais venir, hein, là, il faut. Moi, j'ai été appelée par la haute direction, madame. Oui, bah, c'est moi la haute direction, donc... Non, il n'y a plus haut que vous, madame. Bon, je, vais, bah... je viens et je vous traite. Quoi, les punaises, hein. Bon, mais écoutez, je crois que... Je vous fais 50 euros par chambre. Pas cher. Pas cher, profitez-en. Et on fera les cafards avec du Goliath en plus. On va lui faire du la totale. Goliath gel, ouais. Et s'il y a des rats, tu fais des rats teasers également. Ouais, bah je fais tout. Hein. Allez, accessoirement. Bon, bah faites attention les Marseillais. Hein. Le centre-ville envahi des milliers d'habitants du centre-ville de Marseille. Quelle horreur. Qui vivent un véritable cauchemar. Un cauchemar. C'est une catastrophe. Invivable. Invivable. Bah ouais, bon courage si vous avez ça à la maison là. Ouais. Dites-nous d'ailleurs les Marseillais si vous avez ça à la maison là. Au 41-759, vous nous envoyez vos messages. Et avec l'appli Skyrock aussi, dans un instant, une minute même. On retrouve l'horoscope de l'amour et puis on va retrouver notre winneuse du jour. Oui. Enfin, winneuse, on a hésité longtemps, winneuse ou loseuse. On va retrouver une animatrice télé qui sera à l'honneur ce matin dans notre Top Lose, Top Win sur Skyrock. Il est 7h45. PNL. PNL. Leur nouvel album dans la légende. Je m'en bats les couilles, je suis fire. PNL, dans la légende, maintenant disponible dans les bacs. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86€ le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94€ le kilo. Cathy? J'aime. Et? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert 2,37€ les 830 grammes. Biscottes Lidl 1,55€ les 800 grammes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Eh bien c'est parti, c'est l'heure de l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Qui sont les meilleurs aujourd'hui? Les béliers et les lions, c'est vous qui avez la palme. Vous avez 5 sur 5, c'est votre puissance amoureuse, c'est bien. Ouais. Vous aurez de la chance en tout aujourd'hui. De la chance en amour, de la chance au boulot, de la chance au bahut. De la chance partout, partout, partout. Profitez-en, c'est une belle journée. Tout vous sourit, les béliers et les lions. 4 sur 5, les capricornes et les sagittaires. Ah bah c'est votre regard aujourd'hui qui fera passer les meilleures ondes envers les autres. Un regard de braise, vous arriverez facilement à vos fins. C'est surtout ça l'important, c'est pour les capricornes et les sagittaires. 3, c'est bien aussi pour les scorpions et les vierges. C'est grâce à des amis, les célibataires, que vous pourrez rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Ouvrez l'œil. Et puis en couple, votre partenaire cherchera la discussion. Vous aussi, mettez-vous à son écoute et tout ira bien. 2 sur 5, les balances et les taureaux. Ne vous comparez pas aux autres aujourd'hui. Hein. Regardez vos qualités, vous en avez plein. 1 sur 5, les cancers et les gémeaux. C'est la routine qui vous prendra un petit peu la tête. Vous allez pouvoir vous changer l'idée, vous allez pouvoir vous changer les idées. Ce week-end, le week-end arrive, vous en profiterez bien aujourd'hui. Bon, moyen. Et 0 pour les Verseaux. Ah merde. Eh oui, et les Poissons. Alors. Attention aux gens qui te flattent, Romano, les filles, les gars. Ils ont peut-être une idée derrière la tête. Méfiez-vous. Restez sur vos gardes, les Verseaux, les Poissons. Comme ça, vous savez tout. Voilà, une journée, on est complètement parano. Voilà, une winneuse du jour dans un instant. On la retrouve, on vous la présente tous les matins. Un winner. Une winneuse. Une loser. Une loseuse. Des loseuses. Des losers. C'est dans le morning, juste après le nouveau Niska. Niska et Maître Gims. Écoutez bien. Elle avait son Joe. Elle avait son Joe. C'est le nouveau découvert sur Skyrock. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son Joe. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer. Tu la cherchais, mais elle avait son job. Inutile de le nier, elle a volé ton cœur. Sans même dire un mot, tu ne peux plus l'oublier. Ça y est, elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter l'argent par la fenêtre, sinon le diable va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu, mais tu veux te marier. C'est triste à dire, il voulait l'épouser. C'est triste à dire, elle voulait le papier. Juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais Elle avait son Joe. Niska et Maître Gims sur Skyrock. Il est super ce morceau. Il est cool sur Sky. Bon, ouais, elle avait son Joe à 7h51. Et voici notre Top Blues Top Win du jour. Allez. Top Blues. Alors aujourd'hui, c'est la winneuse du jour. Bravo la winneuse du jour. Bravo, félicitations. Alors vous connaissez Agathe Le Caron ? C'est une présentatrice. Elle fait de la télé, elle anime les maternelles le matin sur France 5, c'est l'émission qui s'occupe des C'est l'émission pour les mamans en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. Prénatal à la télé. Oui, c'est ça. Mais ils expliquent comment s'occuper d'un enfant, tout ça. Alors là, c'est marrant, sur le plateau, donc il y a la présentatrice, deux invités, deux femmes invitées, un enfant dans les bras d'une femme, et ils parlent de la descente d'organes. Oh, c'est intéressant, cette émission. Ça passe juste après nous, aux alentours de 9h30 voilà, du matin. Histoire de bien digérer. Ah, petit déjeuner. Tu prends ton petit déj, après tu regardes un truc sur la descente d'organes, c'est sympa super. Comme tout, c'est frais le matin. La dernière fois, il y avait un gosse qui avait chié d'ailleurs dans l'émission. Ouais. C'est marrant. Oui, il avait fait caca sur le plateau. Il y en a un autre qui avait fait pipi, il y a pas très longtemps, ça d'ailleurs. Il jouait avec son fils. Ils sont tout petits. Elle est super cette émission. Ah ouais, c'est bien. Les maternelles, ça s'appelle. Et donc là, ça parle de descente d'organes. Écoutez bien. Les messieurs ont un périnée aussi. Oui. La différence, c'est qu'ils ont un pénis qui bloque. Et nous, le risque de la descente d'organes, c'est qu'il y a un vagin qui effondre un petit peu tout ça. C'est d'une logique implacable. Voilà, le vagin s'effondre, vladadam. C'est la descente d'organes. Si vous avez le vagin qui tombe ce matin, écoutez bien. Les filles, vous avez le vagin au genou, il y a un problème. Ouais. Oh. Et donc, Agathe Le Caron, on l'a mis winneuse du jour parce qu'elle a montré l'exemple. Elle a fait un truc à la télé. Elle a montré quoi? Elle a montré l'exemple, écoute. Alors, mesdames et messieurs, je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça dans une émission, surtout en direct. Eh bien oui, en ce moment même, je contracte l'anus. Contracté. Voilà, l'autre contracte son anus à la télé avec un gosse à côté. Voilà, et là je décontracte. Ah, elle a décontracté l'anus. C'est bien Agathe, bravo. Ouais, c'est bien, elle fait des bons exercices. Non, tu mérites le titre de loseuse du jour Agathe, si tu nous écoutes. On te fait un bisou, tu as du courage. Tu montres le bon exemple à la télé. En ce moment même, je contracte l'anus. Ben oui, tu l'as bien contracté. Et là je décontracte. Oui. La prochaine fois. Ah, oula, mais oula, c'est. Agathe, le caron du calme. Voilà. Donc, on fait des trucs à la télé parfois quand on est présentatrice télé, il faut montrer l'exemple. Ah ouais, et elle a bien montré. Contracte toute balle. La winneuse du jour est donc Agathe Le Caron, l'animatrice des maternelles. Bravo. Qui contracte son anus en direct sur France 5. Félicitations. Bravo, Agathe. Vive le service public. Ah, vive France 5. Ah, oui, ouais. Super France 5. 7h54, on va vous offrir 1 500 €. Inscrivez-vous au 720, vous envoyez 1 500 720. Peut-être qu'on va vous tirer au sort là. C'est tombé tout à l'heure. On était à la Garenne Colombe chez Adrien. Ouais. Il a gagné ses 1 500 €. Il a fêté ça en faisant l'amour avec sa copine juste après. Ouais. Je crois. On l'a senti comme ça. Bravo à Adrien. Bonne chance à vous. 1 500 € à gagner. Le réveil de Star à 8h10. Et à 8h20, l'arrivée de DJ Roro, comme chaque vendredi, va tester nos connaissances musicales. Ça va être la fête. On va voir si on est pointu sur le son et on va surtout vous offrir l'iPhone 7. C'est à gagner. C'est dans le morning sur Skyrock. MHD. La sensation afro-trap MHD vous fait découvrir son nouveau single Akelenta, extrait de son premier album. L'album de MHD, toujours disponible. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération Super Pouvoir d'Achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les Super Pouvoirs d'Achat. Va, mon héros, va chez Leclerc. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 € d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un kilo de moules, de bouchons ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moule de bouchons élevés en France ou moule de Hollande élevés aux Pays-Bas, selon approvisionnement en magasin. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Jusqu'à samedi chez Darty, la Bibox Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€.

Je prendrai les photos, moi. Oui, oui, il fera des photos. On va faire un heureux ou une heureuse, j'espère, dans un instant. 1500 euros à gagner. C'est peut-être pour vous. 1500 euros si vous répondez Skyrock. On réveille les familles de France aussi avec le réveil de Star tout à l'heure à 8h10. Et je voulais annoncer, les Giroro arrivent avec du sound et des sons à découvrir. Ah, ben c'est sûr. On fait notre petit test du vendredi matin. On va tester nos connaissances musicales et surtout vous offrir l'iPhone 7. Il t'a gagné tous les matins dans le morning. Et tous les matins dans le morning, eh ben c'est Rémi qui s'y colle pour les infos. Oui. Le point sur l'actu, c'est parti. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Elle est bien belle, la météo, écoutez bien. Ouais, c'est agréable, hein. Encore du soleil, encore du soleil. Ouais. Quelques nuages dans le sud-ouest et à l'est, mais rien de bien méchant. Attention quand même aux brumes matinales. Si vous êtes au volant là ce matin du côté de l'île de France et de la Bretagne, bon, ça y est, c'est en train de se dissiper, mais quand même encore un peu de prudence. Demain samedi, votre week-end, eh bien RAS, là aussi, ciel bien dégagé. Ça va se gâter dimanche avec des averses sur une large façade ouest et en région parisienne. Les températures stationnaires par rapport à hier, entre 8 et 17 ce matin, 15 à Paris, de 17 à 27 cet après-midi, puis la pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Marseille et Grenoble. Et voilà, vive le soleil et le point sur l'actu tout de suite, c'est parti. Et un petit rappel pour les franciliens, si vous aviez prévu de prendre la voiture dimanche, qu'on s'est raté. Nouvelle journée sans voiture, Paris est réservé aux piétons, aux cyclistes et aux trottinettistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les trottinettistes. Les 11 premiers arrondissements seront totalement fermés, cela représente 650 km de route impraticable. Paiera ou paiera pas, la cour d'appel de Versailles dira dans quelques minutes là ce matin si Jérôme Kerviel doit rembourser ou non 4 milliards 900 millions d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Le parquet a estimé avant les vacances d'été que l'ex-trader ne devait rien car les torts étaient partagés. Cela fait 8 ans que la procédure est en cours. Il est encore peut-être pour quelques heures l'homme le plus endetté du monde. Un dernier sondage qui ne donne pas le sourire à l'Élysée ce matin. Il est publié par le journal Les Échos. Marine Le Pen serait qualifiée au second tour de la présidentielle dans tous les cas de figure. Là où la situation est peu réjouissante pour le chef de l'État, c'est qu'il serait éliminé dès le premier tour. L'étude démontre que seul Alain Juppé est en mesure d'entamer ce second tour en tête juste devant la présidente du Front National. Un demi-milliard de comptes Yahoo piraté. L'info est de taille et fait le tour du monde là depuis quelques heures. Le géant américain annonce que les infos de 500 millions de comptes ont été volés. Cela concerne les mots de passe, les noms, les dates de naissance, mais pas les données bancaires heureusement. Donc si vous avez un mail Yahoo, il est judicieux de changer le mot de passe ce matin. Le groupe internet estime que ce piratage pourrait être lié à un état. Une enquête a été ouverte et confiée aux autorités américaines. Cela pourrait être le plus gros piratage de l'histoire. Et on parle sport maintenant avec du foot, la Ligue 1 ce soir, mais aussi la Ligue 2 ce soir aussi. Oui, Paris se déplace sur la pelouse de Toulouse en ouverture de la 7e journée. Ce sera encore sans Atem Ben Arfa. L'ancien niçois n'a pas convaincu Unai Emery à l'entraînement. Du coup, eh bien, il reste à la maison. Il va s'entraîner au camp des loges avec les blessés et les autres recalés. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. La Ligue 2 avec la 9e journée. 8 matchs à l'affiche. Bourg-en-Bresse-Laval, 3 tours. Auxerre-Le Havre, Red Star Niort, Orléans-Amiens, Gazelle-Nîmes, Clermont-Foot, Strasbourg et Sochaux-Ajaccio. Début des rencontres à 20h. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h03. C'est l'heure de vous offrir 1500 euros sur Skyrock. Feuille de match du morning de Difool. Entraîneur, Difool. Même Zizou lui demande des conseils. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Attaquant, Romano. Plus fort que Messi. Oh, pardon, non. Plus petit que Messi. Gardien, Cédric. Il avale tous les ballons. Pom-pom girl au sein nu, Carriole. Salut. Coup d'envoi du morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Eh ouais, Karim qui est avec nous ce matin aussi. Qu'est-ce qui se passe au PSG, Karim? Bah, tout va bien, on joue ce soir, on est deuxième du championnat, tranquille. Mais l'histoire Ben Arfa, pourquoi il joue jamais Ben Arfa? Ah, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est les choix de l'entraîneur, gros. Ah ouais. Eh ouais. T'es pas tout à fait d'accord avec les choix de l'entraîneur. Moi, j'aimerais bien qu'il joue Ben non, Arfa. Non, mais ouais. lui aussi. Bah, en plus, ils l'ont payé cher quand même, non? Non, ils l'ont payé gratuit, gros. Ah, bah voilà, bon, ça va alors. Ça va. Mais quand même, il lui donne 10 millions d'euros par an. Ouais, ah ouais, donc, ça va. Ouais, à ce prix-là, ce serait bien de le faire jouer un peu. Ouais, bah, un peu quand même. Ouais. C'était cool pour lui, il était dans les tribunes la semaine dernière avec. Jamel Debbouze. Même cette semaine d'ailleurs avec Jamel Debbouze. Ouais. Voilà, il regarde les matchs avec ses potes. Atem Ben Arfa, si tu nous écoutes, bon courage aujourd'hui, c'est tranquille. Ouais, pépère. Voilà, pépère pour toi. Bon, Sam des réseaux sociaux est là aussi. Hashtag morning de Difool, hein, si vous voulez aller sur Twitter. Autrement, tous les réseaux sont en marche. Le Snap de Skyrock FM. Le Facebook. Skyrock FM. Et puis le Difool.skyrock.com. Vous pouvez y aller. Aussi. Voilà, non pas Skyrock FM là. Non, il y a Instagram aussi, Skyrock FM, Twitter, Skyrock FM. Tout Skyrock FM. Profitez. Il est 8h05. À 8h05, on vous offre de l'argent et dans un instant. C'est un film qui réveille les familles de France ce matin. Un film qui est passé hier sur W9. La vérité si je mens. Eh oui, la vérité si je mens. C'est la vérité si je mens. Bien joué Romano, tu es trop fort. Merci. La vérité si je mens, je veux que je te passe Serge Benamou, le héros de la vérité si je mens. Allô Serge. Il veut te dire quelque chose, je crois. Sergio! Oui. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Ah, cool. Romano, c'est romantique cette émission. Ah, ouais. J'ai de la chance. Voilà, une des répliques cultes du film. Ouais. La vérité, si je mens. On va voir si les gens reconnaissent le film quand même. Oui, on va appeler les familles avec ça. Ouais. Ouais, dans un instant, mais d'abord, vos 1500 euros à gagner. C'est parti. Si ton téléphone sonne, réponse Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Eh bien, il faut ouvrir l'enveloppe, Romano, pour localiser le gagnant. Je localise. Oui. Dans le 59. Eh bien, on file dans le 59 chez les Nordistes. Amis Nordistes, on vous salue. À Lille. Ah, on file à Lille. Et c'est Olivier Martin. Ou Martin Olivier. Bon. Olivier Martin. Voilà, ça doit être ça. Ah oui, c'est deux prénoms. C'est oui. Vrai. Allez, c'est parti. C'est tombé il y a une heure à la Garenne-Colombes. Si vous êtes en 9-2, vous habitez à la Garenne-Colombes. Vous avez peut-être un voisin qui a gagné 1500 euros. C'est Adrien. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur Martin. Ou Olivier. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Martin. C'est la radio au téléphone. On est en direct ce matin et on vous a tiré au sort. C'est pour vous offrir de l'argent. Non, j'ai pas le temps, monsieur. Au revoir, monsieur. Comment ça va-t-il, Nordiste? Mais le temps, c'est de l'argent, Olivier. Martin. Eh ben, il gagnera pas les 1500 euros. Désolé pour Olivier Martin. Ça, il faut pas faire, hein, si on vous appelle le matin. En plus, ça prend une seconde. Oui, quand on vous appelle, vous répondez Skyrock. Prenez le temps, tranquille. C'est 1500 euros au bout du coup de fil. Oui, et puis ça vaut le coup quand même. Ah bah, 1500 euros, ça vaut le coup, mais on va même recommencer dans une demi-heure. C'est pour vous sur Skyrock, toutes les demi-heures, tous les matins. 1500 euros à gagner. Et le réveil de Star arrive, il est 8h07. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh putain, vous déchirez Skyrock. Dès le réveil. Dès le réveil. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so I'm taking my time. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Skyrock, c'est le son de 21 Pilots. On est en train de préparer Usher, DJ Goddess Falling in Love. Et Romano était en train de danser sur la table de mixage. Ah, mais complètement. Il adore. T'aimes bien ça, hein? Ride? Non, DJ Goddess Falling in Love. Ah, ouais, j'aime bien avec Pitbull. Et Ride aussi, t'aimes bien. Ouais, j'aime bien les deux. Oui, il y a du bon son sur Skyrock le matin. Gros souvenir, un grand classique. Il va avoir appelé des trucs. C'est juste après le réveil de Star. Et ce matin, un film dans le réveil de Star. La vérité, si je mens. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Et le héros de la vérité si je mens, c'est lui. Moi, c'est Serge Benamou. Serge Benamou, c'est lui qui veut casser les petites pattes arrière, là, vous c'est savez. C'est ça, ouais. Je sais pas comment on va être reçu, mais bon, c'est la vérité si je mens. La vérité si je mens. Oui, et la vérité si je mens ce matin avec le réveil de la famille de Patrick. Patrick, la famille, est-ce qu'ils vont reconnaître le film? Est-ce qu'ils vont être bien reçus? Est-ce qu'ils vont être bien reçus, Serge Benamou? C'est les questions qu'on se pose. La réponse tout de suite. Oui. Ah. Allô? Oui. Bonjour. Oui, qui c'est? Moi, c'est Serge Benamou. Vous voulez parler à qui? Patrick. Oui. Patrick. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Mais je suis content de t'avoir. Ouais, merci à toi. Je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Ah oui, bah tu t'es trompé. Ici, t'es pas chez Dove ni chez l'autre. C'est une blague. Ouais, tout à fait. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Bah c'est bien ce qui me semble. T'entends? Bah t'es qui? Serge Benamou, ouais. Serge? Oui. Je connais pas de Serge. Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Ah, comme tu veux, ouais, moi aussi, je vais te défoncer l'anus. Un coup de cul, on va te faire enculer. Oh, va te faire foutre. La vérité, si je mens. Oh, et le final, magnifique. La famille était derrière le téléphone, j'adore ça. Non, mais c'est bien, magnifique duo. Ah ouais. Voilà. Et c'est vrai que les dialogues de la vérité, si je mens, ils sont super. Je vais te casser le cul, il déchire. Je vais te casser le cul. Et dans le film, il est au téléphone avec sa mère. Ouais, c'est ça, mais il le sait pas au départ. Il croit que c'est une meuf comme ça, en fait, il discute avec sa mère. Je vais te casser les petites pattes arrière. Et il termine avec sa mère. Je vais te casser le cul. Voilà. Ce qui est quand même super sympa. Ouais, très bien. Ouais. Hein. Essayez avec votre maman, vous allez voir. Non, mais fais-tu blague, elle est pas à toi. J'ai une meuf trop bonne, elle veut te parler au téléphone. Et en fait, c'est sa mère. Au téléphone, ouais. Pas mal la blague. La vérité, si je mens, réveil de star est dans un instant. Un réveil avec DJ Roro. C'est bien, c'est chaud, c'est comme on l'aime avec l'iPhone 7 à gagner. Attention. Salut DJ Roro. Je fais des réglages de son là. Oui, il est dans la salle de bain en train de se préparer parce qu'un DJ qui se respecte et beau gosse. Ah ouais. Il met sa perruque parce qu'un DJ il a une perruque comme David Guetta. Ouais, pareil, les mêmes cheveux. La même chose. Allez, DJ Golas Falling in Love, c'est Usher. Ah, c'est ça là, le son dont je vous parlais. Ok, Usher Pitbull sur Skyrock. Yeah. Wow. So we back in the club with the bodies rocking from side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life. Back to life. Hands up. Yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes. Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. It's a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Dabba-dabba do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada-bing, bada-boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and you, baby, tonight, darling. The DJ got us falling in love again. Mr. Worldwide. Yeah, baby, tonight. Yeah, man. The DJ got us falling in love. Thank you DJ. Usher et Pitbull sur Skyrock à 8h16. DJ, j'ai entendu DJ. Mais oui, c'était pour toi qu'on a mis ce morceau, pour t'introduire, DJ Roro. Ah oui, introduisez-moi. DJ Roro, tous les vendredis matins, on le retrouve pour tester nos connaissances musicales. Dans un instant, le quiz de DJ Roro, mais d'abord la question de sélection. Woo! Et on va sélectionner un gars et une fille. Oh yeah. Allez. Et ouais, vous allez vous battre l'un contre l'autre, on va voir qui va gagner. Il y aura de toute façon un iPhone 7 à choper, il est pour vous. Donc notez bien les numéros, le 41759, je dis ça pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins, les nouvelles aussi, on vous embrasse. Bienvenue sur Skyrock, vous êtes super. Et sinon, l'appli Skyrock, ça marche super aussi. Vous envoyez ça avec l'appli, c'est gratuit, pas cher donc. Ah, pas cher. Exactement. Alors, DJ Roro. Eh ben c'est parti. Il a formé David Guetta. Ok, ouais. Enfin, c'est ce qu'il raconte, hein. Voici DJ Roro sur Skyrock. Ah, le seul, le vrai, l'unique, notre DJ du vendredi matin. Dédicace à David Guetta, mon élève. Oui. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les garçons, bonjour les filles, boys and girls, ladies and gentlemen. Skyrock. C'est nous, Skyrock. Alors, attention, c'est parti, ça va être la question de sélection. Oui. Je vais même chanter. Il chante pour vous, oui, parce que c'est un DJ qui chante. Vous savez, les plus relous quand vous êtes en boîte, qui chantent sur tous les morceaux. Ok. Et qui parle tout le temps. T'écoutes le morceau, tu danses, t'as le mec, il est là. On lève les bras en l'air. Lève les bras en l'air. Et je signale la Clio immatriculée. C'est ça. 924 ZX 77. Oui, elle est en train de brûler sur le parking. Ah, son propriétaire est. Son propriétaire est attendu à l'accueil, et merci. Voilà, avec les pompiers, bien sûr. 10 secondes après, je me rappelle qu'il est interdit de prendre les verres sur la piste de danse. Bon, alors il va vous chanter un truc, DJ Roro, il faut reconnaître ce qu'il chante. Écoutez bien, un carton découvert sur Skyrock. On vous l'a passé depuis cet été, c'est nouveau, hein, c'est pas. C'est tout neuf, j'ai les nouveautés. Ouais, hein. Parce que DJ Roro, il va chercher aussi dans des vieux trucs, mais aujourd'hui c'est tout neuf. Ah, c'est tout neuf, attention, je m'attends au pire. Moi aussi. Écoutez bien. La la la la la. La la la la. La la la la. La na na na. Na na na na. Karim, il a trouvé. Ah oui, facile, facile, facile, easy. Les doigts dans le nez, les autres dans le cul. Et voilà. Vous avez trouvé vous aussi. Top, vous envoyez vos messages tout de suite. C'est pas Drake. Non, c'est pas Maria Maria, le son de Ghetto Phénomène, le groupe des potes de Jules. De Jules. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas Soprano, mais t'es pas loin, Jeanne. Ouais, pas loin, tu te rapproches. Jeanne, 18 ans, qui nous envoie un message, t'es pas loin. C'est pas Starboy. Tiens, on l'écoutera, le Starboy. C'est le nouveau Weekend. Le nouveau son de The Weekend avec les Daft Punk. C'est pas ça non plus. Faudrait me le passer pour que je le télécharge, je l'ai pas encore chopé. Ah, tu l'as pas? Non, pas encore. On va passer en exclu hier matin dans le morning. Je vais récupérer. On vous le met dans, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Vous mettez ça sur une clé USB, s'il vous plaît. Pas de problème, DJ Roro. Vous avez la bonne réponse, allez-y vite. On retrouve DJ Roro et son grand mix dans un instant, et le grand quiz de DJ Roro. Ça va être la folie. L'iPhone 7 sur Skyrock. Il est 8h19. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go ouais. est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€ ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros, du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. 20 modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Plutôt canapé ou Tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à beIN Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Le magique anniversaire continue chez But. Et le plus magique, c'est quand on ferme les yeux. En ce moment, le matelas Dreamea Memories 160 par 200 est à moitié prix. Oui, 399,50€ au lieu de 793€. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. T'as pas l'air en forme ce matin, toi? Bah, toi non plus, hein. Bon, on va chez But. Intersport. Chérie, je me suis offert 3 pantalons effet ventre plat chez Intersport, alors cette semaine, t'es tranquille. Ce soir, pantalon 3 carré fitness, demain, jazz pant et danse avec Caro, et vendredi, caleçon long, corde à sauter. Mais on se voit quand? T'as un caleçon effet ventre plat, toi? Voilà. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les pantalons Energetics effet ventre plat 3 coupes au choix sont à partir de 19,99€. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Skyrock. Dépêchez-vous, ça commence. Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 €, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Elle le regarde, il la regarde. Ce soir, pour Rémi, le temps s'est arrêté. En face de celle qu'il aime, il se dit qu'il a de la chance. Il faut dire que... L'Allemagne vient de marquer le troisième but à la dernière seconde. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude Odoxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30€ d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Il est 8h23 sur Skyrock. Allez, place au son, place à DJ Roro maintenant. Place au vrai son, oui. Il mixe avec ses pieds. Enfin, surtout comme un pied. Voici DJ Roro sur Skyrock. Il est avec nous tous les vendredis matins sur Skyrock et il va faire le bonheur de Greg et de Amélia qui ont trouvé la réponse en premier. Vous avez découvert ce qu'il nous a chanté, bravo. Bravo, bravo. Salut Greg de Toulon. Salut Amélia. Salut Greg. De Vienne. Salut tout le monde. Salut, bonsoir public. Bonsoir, il est 8h23 DJ Roro. Ah mais je suis en décalage horaire là. Ah, c'est ça les DJ. Alors Amélia, présentation, t'as 25 ans, t'es à Vienne, tu fais quoi dans la vie toi? Je travaille dans les ressources humaines. Très bien. Chargée de ressources humaines. Ok, j'ai plein de ressources moi, je te rassure Amélia. Et Greg, toi t'as 31 ans, t'es à Toulon, et tu fais quoi toi? Je suis couvreur sur les toits. Bien pratique. Et moi je suis DJ. Ah ouais. Et lui il est DJ. DJ Troubadour. Bon, faites-vous un bisou tous les deux parce qu'après vous allez vous battre. Amélia et Greg, on va jouer avec DJ Roro. Bonne chance, Greg. C'est gentil. Allez, bonne chance, Amélia. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Bon, c'est parti. La bonne réponse d'abord à la question de sélection. DJ Roro vous a chanté ça il y a un instant. La la la la la la la la la la la la la. Nanino, nanino. Et donc tu as dit c'est Binta, Amélia. Tu confirmes, Greg, c'est Binta. C'est Binta d'Alonso. Et ouais, c'est parti. Joué, vous êtes donc qualifiés tous les deux. On va mettre en jeu l'iPhone 7 maintenant. Est-ce que ça fait déjà un point chacun? Oh, on vous met le point ou pas? On vous met pas le point. Ouais. Allez, on vous met pas le point. On peut en mettre deux même. Non, mais on en met zéro là du coup. Tu vois bien, comme c'est un point chacun, ça change pas grand chose. Faut arriver à 3. Le premier qui arrive à 3 gagne. Vous êtes prêts? Alors attention. Vous êtes prêts? Ouais. Eh, hey, là il va falloir se réveiller un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ouais. C'est parti. En même temps? Ouais, en même temps. En même temps? Oui, en même temps. Il m'a semblé qu'elle était un petit peu avant. Non, moi je vais dire en même temps. Alors, c'est ni Greg ni Amélia, un point chacun. Et un partout. Et c'était Joule. On marche à la parole, ça les dérange. Ouais, ça les dérange. Ouais, attention, attention. Attention, on va passer à la suite. Deuxième son à découvrir. Oh, super facile. Facile. Eh non. Ah merde. Eh ouais, t'es trompé Amélia. Justin Timberlake. Et là, c'est Greg qui marque son deuxième point. Attention, 2 à 1. Can't stop the feeling. I can't stop the dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, d Quel stop de feeling? 2 pour Greg, 1 pour Amélie. Attention, on continue. Attention. Oui. Je mets la musique en route. La musique en route. C'est pas. J'appuie sur play et c'est parti. Oh là là, bravo Greg. Ouais, c'est Greg. Il est rapide le Greg. Hein. Concentré. En plus, il est à côté de chez toi, Soprano. Hein. T'es à Toulon, il est à Marseille. C'est Soprano c'est et ça, en feu. On est pas loin. Et ouais, et c'est gagné. Je suis en feu. Greg, t'es en feu. T'as gagné l'iPhone 7 ce matin. Bravo, Greg. On va mieux commencer la journée, là, je suis content. Ah bah je vois ça, bien joué Greg. Amélia, tu t'es bien battue quand même, ma chérie, c'est bien. Désolé Amélia. Pas bien dans ton téléphone, Amélia, parce que... On t'entend. Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, de toute façon, Greg, il avait un truc ce matin, il a pris des vitamines, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Eh ben, un week-end qui démarre bien avec un iPhone 7 offert par Sky. Bravo à toi, Greg. Et Amélia, tu vas pas repartir sans rien. On a le t-shirt Skyrock à t'offrir, plus le jeu que tu veux sur la console que tu veux. Moi, allez, je te conseille FIFA 17 parce qu'il paraît qu'il déchire. Après, faut aimer les jeux de foot, hein. Bah, moi, j'adore. Eh ben, ça tombe bien. C'est parfait. Eh ben, on exclut, on t'offre le FIFA 17 et puis le t-shirt Skyrock. Et surtout, tu peux revenir jouer quand tu veux. D'accord, merci beaucoup. Bisous, je te kisse, bébé. Bisous. Et on vous kisse et on va écouter Binta, tiens, puisque vous avez découvert Binta tous les deux, ça nous a donné envie de l'écouter. Vous voulez que je le chante? Non. Merci DJ Roro. Par contre, on va te donner rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, la semaine prochaine, bon week-end, à bientôt, salut, bye bye. Eh bien, salut DJ Roro. Ciao. Et salut Alonso, le pote de Sopra. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Dans le cœur de tous mes stars, là. De Marseille à Paris, on lui veut la pendaison comme ça. c'était le son de Alonso, le pote de Soprano, parce qu'ils sont tous les deux des psychiatres de la rime, le groupe de Soprano. Ouais. Et on salue Bintou qui n'en peut plus de ce morceau parce que tout le monde lui chante Bintou, Bintou. Elle nous a envoyé un message. Bintou. J'en peux plus de cette musique, Binta, je m'appelle Bintou. Et depuis, on n'arrête pas de me traquer. Ah Bintou, oui. Bintou. C'est bon, ouais. Même en écoutant la radio, Bintou, tu vois. Même en écoutant Sky le matin. Il est 8h31. Ça veut dire que dans un instant, puisque ça se passe toutes les demi-heures, on va vous offrir 1 500 euros encore. Ouais. Tombé trois fois hier matin, c'est déjà tombé aussi ce matin. À la Garenne Colombe, salut Adrien qui a répondu Skyrock tout à l'heure à 7h. Bien joué Adrien, t'es levé tôt. T'as gagné 1 500 euros. T'as assuré. Le week-end démarre bien et en plus il va y avoir du soleil. Et ouais, Rémi va nous parler de tout ça. C'est parti, notez bien le conseil, les conseils pas chers. Le rendez-vous à 8h40, c'est les nouveaux rendez-vous depuis la rentrée, 8h40. Ouais. Conseil pas cher. Et ce matin, je vais m'occuper de l'éducation. Ah, mais ça c'est bien toi. Le soutien scolaire. Tu vas vendre des fouets, non? Non. Le soutien scolaire avait un vrai business. Ouais, d'ailleurs, il y a des trucs sur l'éducation. Vous êtes pour ou contre l'école jusqu'à 18 ans, parce que là c'est jusqu'à 16 ans et Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'éducation, veut repousser à 18. Moi perso ça ne me dérange pas, j'ai 21 ans, je ne vais plus à l'école. Moi je suis un petit peu plus âgé aussi, ça ne me dérange plus, mais moi je suis pour, moi c'est bien. Bah, toi t'es pour. Eh ben faut aller à l'école, c'est bien. Ouais, mais après ça dépend ce que tu fais. Mais ça tu le dis quand t'es vieux co et que t'es sorti de l'école. Non, quand mais tu au moins es dedans, parfois t'as envie d'en sortir. Non mais ouais, entre 16 et 18, bon si t'y arrives pas du tout, c'est un coin de rester 6 ans de plus. Mais quoi. C'est vrai que c'est un truc à la con, si t'as envie de bosser à 16 ans, tu pourras plus bosser à 16 ans. Ouais, mais un apprentissage, tu fais un petit diplôme, c'est bien. Ouais, un petit diplôme, mais si t'as envie de travailler. Un petit peu, c'est cool. Ah, moi à 16 ans, je faisais de la radio déjà. Comment j'aurais fait si Najat elle avait eu cette idée avant? Bah tu crées un CAP radio. Ah ok, d'accord, super Rémi, merci pour l'idée. Putain, on va te présenter à la présidentielle. Ah, je veux bien. Ah bah très bien. Ah bah tiens, dans la merde. On va rigoler là, tiens. Rémi, les infos, allez, c'est parti. Le point sur l'actu et le point sur le sport. Mais d'abord, votre météo, notre météo du jour. Eh ben, c'est pas mal la météo, c'est même très bien. Le soleil est présent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. On a quelques nuages dans le sud-ouest et à l'est, mais vraiment rien de méchant. Demain samedi, pour votre week-end, rien à signaler. Là aussi, le ciel sera bien dégagé. Vous allez pouvoir en profiter. On aura des points de température jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Wow. Ça va se gâter dimanche avec des averses sur une large façade ouest. Mais en région parisienne, les températures pour ce matin, identique à celle d'hier, entre 8 et 17, 15 à Paris, de 17 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Marseille et Grenoble. Et le point sur l'actu tout de suite, c'est parti, l'actu et le sport. Un demi-milliard de comptes Yahoo piratés, l'info est de taille et fait le tour du monde depuis quelques heures. Le géant américain annonce que les infos de 500 millions de comptes ont été volées. Cela concerne des mots de passe, des noms, des dates de naissance, mais heureusement pas les données bancaires. Le groupe internet estime que ce piratage pourrait être lié à un état. Une enquête a été ouverte et confiée aux autorités américaines. Cela pourrait être le plus gros piratage de l'histoire. La fin d'une cavale qui aura duré une quinzaine de jours. L'islamiste Merwan Benhamed a été interpellé en Suisse hier. L'ancien membre du GIA, le groupe islamiste armé, était assigné à résidence en Mayenne d'où il a pris la fuite. Il s'était rendu en Suisse avec sa femme et ses 4 enfants pour effectuer une demande d'asile politique. Il a été placé en détention. Un vaste trafic de cocaïne démantelé à Marseille. Les policiers ont mis la main sur un business qui alimentait tout le département des Bouches-du-Rhône. 10 personnes interpellées, 7,5 kg de coke saisie pour une valeur de 500 000 euros. Un homme tué par balle en Corse, il a été mortellement blessé cette nuit alors qu'il roulait en direction de Bastia. Il était bien connu des services de police et tout laisse à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte. C'est le 12e homicide par balle depuis le début de l'année. Les ennuis qui se poursuivent pour Jean-Marc Morandini. L'animateur est accusé, vous le savez, d'avoir organisé des castings douteux avec des mineurs pour une web-série. Il a été confronté à ses accusateurs devant les enquêteurs. Fin de sa garde à vue ce matin, qui a tout de même duré 48 heures. Il va être déféré dans la journée au parquet en vue d'une mise en examen pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Et là, on va parler sport maintenant avec la Ligue 1. Évidemment, ça joue ce soir. Et puis, des nouvelles de Bastia aussi. Oui, et Paris qui se déplace sur la pelouse de Toulouse en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Ce sera encore sur un thème Ben Arfa. L'ancien niçois n'a pas convaincu Unai Emery à l'entraînement. Il va rester donc au camp des loges pour s'entraîner avec les blessés. Les autres recalés, coup d'envoi à 20h45. Une tribune fermée ce week-end à Furiani, conséquence des incidents survenus lors de la première journée le 12 août à l'occasion du match Bastia-PSG. Décision prise par la commission de discipline de la Ligue. Et puis du hand, la suite de la première journée de D1. Les favoris ont répondu présent à l'appel hier soir. Chambéry s'impose 29 à 20 contre Dunkerque. Victoire de Montpellier 31 à 29 face à Toulouse. Dernier match dimanche entre Créteil et Nantes. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h35. Allez, on file au bahut là maintenant. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le morning de Default sur Skyrock. Et oui, la journée démarre bien avec 1500 euros qu'on vous offre d'ici quelques secondes. J'ai l'enveloppe entre les mains, on ouvre tout ça. Et quand je dis on va filer au bahut, c'est parce que les conseils pas chers sont des conseils pas chers éducatifs. Romano, t'as dit que t'allais refaire notre éducation. Ouais, c'est ça, soutien scolaire ce matin. Soutien scolaire. C'est quoi la matière de, dans laquelle vous galériez le plus, vous? Toutes. Ah, putain. Ouais. Bacariole, toi c'est simple, c'est toutes. Latin. Ouais, le latin. Ah, t'as fait latin? T'as fait latin? Ouais, en cinquième, ouais. Un trimestre. Ouais, moi aussi, j'ai fait un trimestre. Ma mère latin. A eu pitié de moi, merci à elle. Ouais, ouais. Moi aussi, j'avais latin samedi matin, c'est très très mauvais souvenir. Je galérais pas mal en latin. Aussi. Bah, moi c'était les maths. Toi, moi aussi, pareil, les maths, ouais. Ah ouais, la géométrie, tout ça, je comprenais rien. On n'a pas des matheux dans l'équipe alors. Non. Ah, et j'avais aussi la philosophie. Ah putain, la philosophie, ça m'a mangé la tête. Heureusement, moi j'en ai eu qu'un an en terminale, mais. Ouais. Vous nous dites, tiens, dites-nous la matière dans laquelle vous galériez le plus, vous aussi. Dadou, lui, c'était l'anglais. Non, moi, I speak very well English, moi. Ah yes. Ouais. Ça s'entend. Oui, ah bah, tous les matins, vous pouvez en profiter, tous les soirs aussi. Ah, la physique. Ticket de caisse, c'est l'allemand pour. Ah ben bah, moi, j'ai Jeanne qui nous dit la physique. Moi, j'avais du mal en physique. Ah, surtout, ouais. J'avais un pote, un prof qui sentait très mauvais. Ah ouais. Il avait une barbe et sa barbe, elle sentait la transpiration. Arrête. Donc quand il venait t'expliquer un truc, tu sais, il collait sa tête à toi, il nous a. Alors, mais tu dis fou, vous n'y comprenez rien encore. Mais non, je comprends rien. Le mec pue. Ce que je comprends, c'est que tu pues de la gueule. Ah ouais, putain. Ah, terrible. Voilà, de bons souvenirs peut-être pour vous aussi. Allez, on va faire un petit sondage express. Dites-nous la matière dans laquelle vous galériez le plus et on va vous donner votre sondage express. Donc le résultat du sondage express dans un instant. On fait les conseils pas chers aussi dans la foulée. Ouais. Et puis à 8h37, allez, on perd pas de temps. On vous offre 1500 euros avant d'écouter le nouveau son de The Weeknd que vous avez découvert hier matin sur Skyrock. Avec les Daft Punk. Ouais, The Weeknd et les Daft Punk. Ça s'appelle Starboy. C'est pour nous ce matin. Allez, c'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Oui, et c'est parti où? C'est parti à Paris. Eh ben les Parisiens, c'est pour vous. Les Parisiens et la famille Gosset qu'on a tiré au sort. Paul Gosset. Bonne chance à Paul. C'est tombé tout à l'heure. Et ça va peut-être tomber maintenant. Bonjour Paul Gosset, comment allez-vous? Ça va, très bien. Ben nous aussi, ça va. Ça va. On vous appelle ce matin, monsieur Gosset, c'est pour vous offrir de l'argent. On est en direct à la radio. Et on vous a tiré au sort pour vous offrir 1500 euros, monsieur Gosset. Bah c'est gentil, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais tout vous expliquer, c'est très simple. Il faut me dire quelle est votre radio préférée, monsieur Gosset. Si vous avez la bonne radio, vous gagnez 1500 euros. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, monsieur Gosset? Bah, je vous dis la vérité. Si je mens. Je me gourre pas, j'écoute France Info. Excusez-moi, je vous dis la simple vérité. Hein. Mais vous avez raison, on se dit tout le temps la vérité sur Skyrock. On est sur Skyrock, Paul. J'ai la tête ailleurs. Ben, vous avez la tête ailleurs, mais c'est pas grave, Paul. Oh, on salue nos amis de France Info. Ben oui, bonjour à eux. Oui. Salut tes collègues, Rémi. Salut Jean-Michel Jarre. Salut Jean-Michel Jarre. Ok, super. Voilà. Excusez-nous, Paul. Hein, y a des gens, ils sont pas normaux dans. Ben bon. Lui surtout. Hein. Oui, surtout lui. Ouais. Oui. Bon, Paul, on vous souhaite une bonne journée et ben, la prochaine fois, vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 euros. Salut, Paul. Voilà, tu vois, tu l'as bloqué avec ton. Ah, mais qu'est-ce que tu dis, Jean-Michel Jarre? C'est le mec qui joue du piano. Ouais, mais il a fait les jingles de France Info. Mais bon, ah, d'accord, oui. Ah, oui, il faut. Là-dedans. Allez, 8h38. Bah, il fera pas les nôtres. Non, ouais, non. Par contre, on dit, confirme, il fera pas les autres. Ouais. On dit un grand bravo à Adrien, il a gagné tout à l'heure à la Garenne Colombe. Pour gagner 1500 euros, bah, c'est facile. Il faut répondre, Skyrock, écoutez. On t'a tiré au sort ce matin, c'est pour ça qu'on t'appelle. On t'appelle en direct pour te poser une question et pour t'offrir surtout 1500 euros, Adrien. Non, mais j'y crois pas. Ah. Il faut y croire, c'est vrai. Quelle est ta radio préférée, Adrien? Skyrock, Samir. C'est gagné. Bien joué, Adrien. Tu viens de gagner 1500 euros à la Garenne Colombe. Bien joué, bien joué. Oh, ouais. Skyrock, sa mère. Hein ouais. Et ça gagne 1500 euros. Et voici The Weeknd tout de suite avec les Daft Punk. Une découverte Skyrock, Starboy à 8h39. Et avant les conseils pas chers. Ouais. Ouais. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, belly point two just to hurt you, all red lamb just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, now she clean up with her face, but all of my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. gotta end me, yeah. Pull off in that roadster SVI. Yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the far time, I'm the competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song, bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I'll take any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga practice. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you done. Oh, ça fait plaisir d'écouter The Weeknd. The Weeknd et Daft Punk. Il y a Séverine qui vient nous envoyer un message qui dit j'aime beaucoup, beaucoup ce nouveau petit son. Moi aussi j'aime beaucoup. Ça s'appelle Starboy. C'était le son de Daft Punk et de The Weeknd. C'est ça. Ouais. À 8h43 sur Skyrock. Alors, place à l'éducation. Vous prenez vos affaires, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Non, ça y est, l'autre il se prend pour un prof maintenant. Mais je suis professeur. Ah, tu es professeur Romano ce matin. Eh ouais. T'es professeur de quoi? Parce que j'ai le résultat du sondage express à vous donner, les matières dans lesquelles vous êtes les plus nuls. Ouais. Vous étiez les plus nuls. Bon, je suis professeur de tout, moi. Toi, t'es professeur de tout. Multimatière. J'ai beaucoup de maths, hein, quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup de maths. J'ai du sport aussi. Je suis sûr que c'est une fille qui a mis sport. Bon, gagné. Bah. C'est Shaynez qui nous laisse un message. 17. Bon, le classement, c'est simple. Hein. Vous êtes nuls en maths, en physique et en anglais. Bon, bah voilà, c'est bon. Déjà pas mal. Et les filles, vous êtes pas mal nuls en sport aussi. Hein. J'ai vu pas mal de messages depuis tout à l'heure, là. Les sports, l'horreur, tiens. Non, les maths, l'horreur pour Joy. Et le sport, l'horreur, juste en dessous, c'est marrant, hein. Joy du 94, c'est les maths. Et juste en dessous, c'est TC qui lui. Ah bah, c'est un garçon, tiens. Ouais. Moi, le sport, c'est là où j'étais le meilleur. C'est vrai, moi aussi. Ouais. Ouais, mais là, la gueule du sport au collège, badminton, quoi. Ah non, bah, c'était foot, hand, rugby, athlétisme. Basket. Ouais, basket. Ah, moi, bon, si, il y a un truc qui me faisait chier, c'était la gym. Ah, moi, ce qui me faisait chier, c'était l'endurance. Ah, moi, j'ai pas tous les trucs pourris, quoi. Poutre, badminton, volley. Ah, c'est bien le volley. Il manque plus le golf, hein. Mais poutre, c'est pour les meufs, en plus. Non, mais ouais, j'avais moi aussi. Ils t'ont pris pour des cons. Raconte. Karim aussi, t'avais la poutre. Ouais, j'ai eu ça, la poutre, escalade aussi. Ah ouais. C'est bien ça. Alors, l'escalade, c'est cool. Ouais, c'est marrant. Bon, alors aujourd'hui, petite information, c'est la journée mondiale du refus de l'échec scolaire. Oui, je refuse moi aussi l'échec scolaire. Bon, le soutien scolaire en chiffres, un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 suivent des cours particuliers, soit plus d'un million d'élèves. J'ai fait le calcul. Un million. Vous avez eu des cours particuliers, vous? Ouais. Ah, moi, pas moi, non. Ah, putain, j'en ai eu en maths, un calvaire pendant les vacances et tout. Moi, j'ai eu des cours de piano pendant 15 jours. Après, j'ai craqué, j'ai expliqué à ma mère que je pouvais pas tout faire. Ouais, et ça représente 2,5 milliards d'euros. Je vais quand même prendre ma part là-dedans. Hein. Ah, bah, quand même, tu te dis oui. Donc, ce matin, je vais remettre à niveau les gens au niveau éducatif. Mm-hmm. Éducation, c'est parti, c'est les conseils pas chers. Oui. Pendant que tu te creuses la tête pour trouver de l'argent, Romano, lui, il creuse tes poches. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, c'est parti, où va-t-on ce matin? On va à Marseille, man. Encore? Ah ouais. Décidément, Marseille, les Marseillais, ce matin, vous êtes à l'honneur. Hein. Oui. Il y a une matière particulière ou c'est toute matière, là? C'est remis. C'est tout, man. C'est mise à niveau général. Oui, bon là, ça sera pas mise à niveau, du coup. Oui, on va toujours à Marseille, gros. Très bien, on va toujours à Marseille. Il y a une heure, on était chez les Marseillais parce que vous êtes envahis par les punaises, les Marseillais. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on vous a aidé, Romano, vous a escroqué, c'était super. Allô? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est à l'appareil. Je suis professeur universitaire à l'université du Massachusetts. Hein? Ouais, d'accord. Ouais, et ce matin, je vous contacte rapport à l'éducation nationale et je dois vous faire une mise à jour au niveau de votre éducation. D'accord. Donc ce matin, je vais venir vous faire une dictée pour voir le niveau d'orthographe et ensuite on enchaînera sur les mathématiques. Très bien. Donc je peux venir vers quelle heure? Vers 9h, vous serez là? 9h plutôt, on va dire 9h15. 9h15, c'est parfait. Donc vous m'attendez à une table, vous sortez une copie double, s'il vous plaît. Hein. Très bien. Et je vous fais la mise à niveau. Bon, vous inquiétez pas, vous serez remboursé par le ministère. C'est 200 euros. D'accord, ok. Paiement uniquement liquide. Hein. Ok. Juste un petit test, 4 x 8. 4 x 8, Écoutez, je réfléchis. Ah ouais. Oui. Non, il y en a besoin. Là. Oui, tout à l'heure. Par contre, vous n'aurez pas le droit à la calculatrice tout à l'heure. Hein. Calculatrice, téléphone portable, ça sera interdit pour l'interrogation écrite. Donc préparez-vous, d'accord. Révisez un peu à 9h15, je suis là. D'accord. Et surtout, préparez les 200 euros. Hein. Ok. Allez, l'OM. Oui, c'est toujours. Bien, faut toujours être sympa comme ça. À tout bien. À l'heure, monsieur. Tu sais t'adapter aux régions. Bah, bien sûr. T'aurais appelé à Strasbourg, t'aurais dit vive la choucroute. Ouais, vive la choucroute. Ah, c'est ça. Et t'aurais appelé à Nice, vive le Port-Bagnard. Ben voilà, parfait. Parfait, parfait. 8 x 4, Cariole. 32. 8 x 4, 32. Bien joué. Oh, bah dis donc. Vas-y, j'ai révisé aussi. T'as pris des cours avec le professeur Romano. Ouais, professeur Romano. 6 x 8. 38. 6 x 8, 42. Ouais, non. Non plus. 48. Ouais, elle aussi, tu la prends ce week-end. Allô? Oui, bonjour. Allô? Madame. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis étudiant et je vous appelais pour aller au soutien scolaire. Oui, je suis désolée, il y a une autre personne qui m'a appelé ce matin. Oui, mais c'est moi. Une petite étudiante. Ah ben oui, ben voilà. Ah ben c'est moi, je me permettais de vous rappeler parce qu'en fait, du coup, c'est moi qui vais donner les cours, l'étudiante n'est plus disponible. Non, non, elle est plus disponible, elle m'a dit, oh non, je veux pas y aller, je préfère que ce soit toi. Moi, je veux bien garder votre numéro parce que je l'ai pris en période d'essai parce qu'elle m'avait fait un petit coup, là. Et donc apparemment là elle s'est bien redressée. Non non mais elle est pas fiable. Non, elle est pas fiable. Non, mais ça, c'est virez-moi ça, prenez-moi. J'ai vu. Je vous entends mal, madame. Vous parlez mieux dans le téléphone, s'il vous plaît. Ouais, j'écoute. Je parle. Oui. Donc l'autre, vous l'appelez, vous dites que c'est terminé. J'arrive ce matin, moi. Mais le petit là, il est au collège. Ah ben voilà, ben juste, je vais aller le chercher. Trop particulier ce matin, 50 euros de l'heure. C'est ouais, j'habite dans le 14e, vous habitez où vous? Ah, oh, moi je suis à côté dans le 14e aussi. C'est vrai? Ah, ben oui. C'est pratique. Ah, ben oui, c'est beaucoup mieux que l'autre. Ouais. Dites-moi, c'est une blague là. Ah non, ben pas du tout, madame, c'est sérieux. 13 x 4. 13 x 4, allez-y. Allez-y, 13 x 4. 52. Si c'est ça, c'est bravo, bien joué. Bravo. Ah, vous connaissez pas la réponse, ça, bravo. Alors, 5 x 8, on fait la maligne. 5 x 8. 5 x 8, 40. 40, et la racine carrée de 40. Hein? C'est dans le sens inverse. Non, on va te prendre en cours, toi aussi. Allez, tu vas faire des cours avec ton fils, ça sera 100 euros de l'heure, du coup. Bon, je passe ce matin, hein, ma chérie. Ouais, y a pas de soucis. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, on signe le contrat. Bisous. Salut Marseille. Ciao. Et voilà, bien joué Romano. Et voilà, et 2-2. C'est bien, tu fais de l'éducation maintenant dans le morning, tu t'améliores. C'est mieux. Ouais, c'est bien, ouais. Bon, après ce petit cours de maths, ce petit cours de tout d'ailleurs, on va passer à notre compile du morning. La compile du morning, c'est les ex des stars qui règlent leur compte. Ça va balancer dur. Ah oui. Bah oui, cette semaine, on parlait de Brad Pitt, Angelina Jolie. Petite déclaration de Jennifer Aniston à propos du divorce de Brad Pitt et de Angelina Jolie. Jennifer Aniston, qui est l'ex-femme de Brad Pitt. C'est exactement. Ça, ouais. C'est ça. Elle a dit Angelina n'a jamais été faite pour Brad. Je le savais depuis le début. Bah évidemment, elle lui a piqué son mec. Donc c'est vrai, ouais. Forcément, elle va dire alors, elle est super. Ouais. Elle est contente aujourd'hui. Eh bien, il y a d'autres stars qui balancent. On les retrouve. C'est notre compil du jour. Ça balance sec sur Skyrock. L'horoscope arrive dans une minute. Il est 8h50. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, la vie d'Antoine ne sera plus jamais la même. Submergé par l'émotion, il embrasse sa femme, sa famille, ses amis. Il était tellement heureux de la victoire de Galatasaray. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude Odoxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un starter mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. 8h51, et ben comme promis, voici l'horoscope de ce vendredi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les 12 signes et leur puissance amoureuse, en commençant par les Verseaux et les Poissons aujourd'hui. Vous êtes à 0 sur l'échelle de 5 là. Merci. 0 sur 5. Bon, faites juste attention aux flatteurs et aux flatteuses. Il y a des gens qui vont vous flatter pour obtenir un truc. C'est pas forcément ce qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui. Restez sur vos gardes. Des faux culs. Et tout ira mieux, oui. Verseaux et Poissons. 1 sur 5, les Cancers et les Gémeaux. C'est la routine qui vous prendra un petit peu la tête, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir en changer les idées ce week-end. Le week-end arrive pour les Cancers et les Gémeaux et pour les autres aussi. 2 sur 5, les Balances et les Taureaux. Ne vous comparez pas aux autres, vous avez plein de qualités, pas la peine de regarder à côté. 3 sur 5, les Scorpions, les Vierges, célibataires, c'est grâce à des amis que vous pourrez rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Ouvrez l'œil et les couples, votre partenaire cherchera la discussion. Mettez-vous à son écoute et tout se passera bien entre amoureux. Pour les Scorpions et les Vierges, c'est 3. 4, les Capricornes. Comme toi, dit Foul. Et les Sagittaires, comme toi, Cariole. Ouais, vous aurez un regard de braise aujourd'hui. En tout cas, vous avez le regard qui tue, vous arriverez facilement à vos fins. En plus, vous avez de la chance en amour. Les Capricornes et les Sagittaires, on a 4, c'est super. Et 5 sur 5, les meilleurs, les Béliers et les Lions. Et ben aujourd'hui, en parlant de chance, vous vous faites carton plein en amour, au travail, au niveau de l'argent, au niveau des tout. Tout, chance pour vous en ce vendredi. Profitez-en bien, les Béliers et les Lions. Bravo à vous, il est 8h52. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. For lightning strikes every time she moves. Riri, Rihanna avec Calvin Harris, This is what you came for sur Skyrock à 8h56. C'est l'heure de notre compile du morning. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors, la compile du jour, ça concerne les stars qui règlent, les ex même des stars, qui règlent leur compte. Oui. J'aime bien, ça balance. Ils sont sortis avec des stars et ils ont été largués ou ils l'ont largué et ils se sont vengés juste après. Et après, ça règle les comptes. Oui, alors, on va commencer par notre numéro 3. Numéro 3, l'ex-mari de Kim Kardashian, qui s'appelle Chris Humphries. Yeah. Chris Humphries, on a balancé plein sur Kim Kardashian, notamment que ses fesses étaient en plastique. Ah. Donc il a balancé à tout le monde, une fois qu'il s'est fait larguer, bien sûr. Mais lui, elle a des fesses en plastique. Mais c'est pas le footballeur américain, lui. Chris Humphries, mais sûr que si, Romano. Non, parce qu'en fait, je crois que lui, en l'occurrence, s'est bien fait baiser, parce qu'elle s'est mariée avec lui juste par intérêt, quoi. Et le mec s'en est rendu compte. Et le mariage, je crois qu'il a duré, mais très très peu de temps. Et une fois qu'elle était plus intéressée, ouais, elle l'a largué. Voilà, ouais, il l'a mal ça, pris. Ouais. Ouais. Voilà, il trouve qu'elle s'habille mal, qu'elle est vulgaire et qu'elle a un gros cul qui est en plastique. Bon, voilà en gros ce qu'il a dit sur son ex. En même temps, il a pas forcément tort. Kim Kardashian est rhabillée. Ouais, c'est un basketteur. Pour fait, l'hiver. Ah, c'est ça. Ouais, basketteur. Qu'il faisait du sport. Chris Humphries. Yes. Voilà. On passe au numéro 2. Numéro 2. Ah, Selena Gomez. Ah. L'ex de Justin Bieber. Justin Bieber. Qui a balancé sur Justin Bieber. Bon, après Justin Bieber, elle s'est tapée le meilleur pote de Justin Bieber. Enfin, un des meilleurs potes de Justin. Et elle a déclaré à tout le monde, oh yeah, c'est un meilleur coup que Justin. Justin me baisait mal par rapport à lui. Ah yeah, c'est son meilleur ami. Ça, c'est la classe. Ouais, c'est clair. La classe. Donc ça, c'est Justin Bieber, il est rhabillé. Et on passe maintenant au numéro 1. Numéro 1. Eh bien, il y en a eu un petit coup pour Kim Kardashian, mais maintenant pour Kanye West. Kanye West, l'ex de Kanye West, vous connaissez Amber Rose. Ouais. Qui a eu un enfant de Wiz Khalifa aussi. Oui, c'est ça, la meuf qui est rasée là. Ouais. Voilà, elle sort avec tous les rappeurs. Ouais, c'est ça. Bon, elle a déclaré que Kanye West est un adepte du plaisir anal, mais pas de l'anus des filles, de son anus à lui. Ah, il se fait titiller, bah alors. Et ben voilà, mais elle l'a déclaré, donc Kanye West, ça lui a pas fait super plaisir. Ouais. Il a peut-être une déclaration à nous faire. Kanye, un adepte du plaisir anal, c'est vrai. Oui, c'est vrai, d'accord. Oui, okay, d'accord. Kanye. C'est confirmé. Merci, Kanye. Alors, Kanye West, c'est bien joué avec son trou-trou. Kanye West, il met des jupes, il soulève la jupe et hop, un petit coup dans l'oignon. Et ben voilà. Donc, c'était notre compile du jour, la compile des ex de stars qui règlent leur compte. Ça balance chez les stars. C'est du joli. Il est 8h59, on va lancer la roulette là maintenant. C'est parti, vous gagnez 10 heures dans la roulette. Allez, top inscription. Vous envoyez roulette au 7-20-20. Roulette au 7-20-20. On vous tire au sort et vous gagnez un an d'abonnement à 10h Premium Plus. C'est le meilleur truc de 10h. Vous avez en plus Skyrock, c'est pour ça qu'on vous offre ouais. ça. Hein. Ouais, Skyrock a débarqué sur Deezer, donc à tout moment, vous gagnez votre abonnement. C'est maintenant, roulette au 7-20-20. On vous souhaite bonne chance et on fait tourner la roulette dans un instant sur Skyrock. Il est presque 9h du matin. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoir d'achat! Va, mon héros, va chez Leclerc. Une rentrée cool pour Darty? C'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Jusqu'à samedi chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€.

Ouais. Ah, on est là pour ça, c'est l'émission qui réveille la France, Romano, tu le sais. Hein. Bon, Dorian, tu vas te réveiller bien là parce que tu as l'abonnement 10 heures à choper. On va lancer ta roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10h et tu vas gagner à 9h06. Hein, ouais, je t'ai quand même mal précisé. C'est parti pour l'abonnement 10h. Tu dis stop quand tu veux, Dorian. Stop. Tu fais quoi dans la vie, Dorian? Tu bosses? T'es au BAU encore, toi? Non, je bosse. Tu bosses dans quoi? Je suis pâtissier. Ah, bah c'est bien ça. Ah, mais t'as bossé cette nuit là? Ouais. Ah, ouais, ok. Ah, ouais. Eh bien, écoute, tu finis bien la journée, parce que toi, tu finis la journée à 9h06, c'est pas mal, hein. Tu gagnes ton abonnement 10h Premium Plus, c'est-à-dire tout le son de 10h pendant un an, t'en fais ce que tu veux, tu le télécharges, tu le stockes, tu l'écoutes, pas de pub, tout est gratuit. Et il y a en plus Skyrock dessus. Bravo, bah, Dorian. Ah, merci l'équipe, merci. Ça marche. Elle est où, elle est à Champigny, ta pâtisserie? Non, dans le 6ème à Paris. Eh ben, on salue les collègues, alors, hein. Ok. C'est quoi ta spécialité en pâtisserie, toi? Les desserts avec des fruits. Les desserts avec des fruits. Genre tarte aux fraises et tout, quoi. Ça, j'adore. Ça, c'est bon, ça. C'est ça. Tarte aux framboises, tu fais? Ouais, il fait. Ouais, je sais faire. Ouais. Ça, c'est comme des fraises, mais en plus petit, tu vois. Ouais. Okay. Très bien, Dorian. Bon, bah, bonne journée, Dorian. Bravo à merci toi. Merci l'équipe. Salut, merci. Vous ferez tourner votre roulette toute la journée avec toute l'équipe. Restez bien dans le coin, ça tournera notamment avec Fred, le zap du morning. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Serge Benamou, le héros de la vérité chigement, réveille Patrice ce matin. Allez. Cher copain de Dove, il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros, gros chaud de la bite. Ah oui, bah, tu t'es trompé, ici t'es pas chez Dub, ni chez l'autre. C'est une blague. Ouais, tout à fait. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Ouais, c'est bien ce qui me semble. T'entends? Bah, t'es qui? Serge Benamou, ouais. Serge? Oui. Je connais pas de Serge. Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Ah, comme tu veux, ouais, moi aussi, je vais te défoncer l'anus. Ah. Coup de cul, ouais, va te faire enculer. Oh, bah, va te faire foutre. Écoutez bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Karim, il a trouvé. Facile, facile, easy, les doigts dans le nez, les autres dans le cul, et voilà. Ouais, bonjour, c'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil, je suis dépunaisier. Je vais t'appeler pour les punaises de lit. Et contre les cafards, t'as quoi? Hein? Les cafards, t'as quoi? Les cafards, on a des produits, on a tout ce qu'il faut. T'en as aussi? T'as quoi comme produit? Vas-y, dis-moi. J'ai du bégon. T'es fort ou pas? J'ai du bégon vert, des choses comme ça, quoi. Mais non, c'est tout faux, ça. T'as tout faux. C'est du Goliath Gel, tu connais pas? Tu connais pas? Bah, ouais, tu mets lui. Sur internet, Goliath Gel, tu verras. Bah... Si tu veux faire fortune, tu te lances là-dedans. Tu fais punaise et cafard. Et là, à mon avis, t'as du taf. Pourquoi vous êtes chargé à Marseille en cafard aussi? Ah, putain, ouais. Bon, bah, j'arrive, tu vas me montrer ton Goliath Gel, là. À tout de suite, chérie. Bon, allez. Gildas Métro à Olivet dans le 45. Bonne chance, Gildas. Ah oui, 5 sonneries, faut répondre avant la 5e. 4. Oui. Vous avez entendu, Cariole a appris à conduire. Oui. À compter, pardon. Et toi, apprends à parler. Oui. On t'a tiré au sort ce matin, c'est pour ça qu'on t'appelle. On t'appelle en direct pour te poser une question et pour t'offrir surtout 1 500 €, Adrien. Non, mais j'y crois pas. Il faut y croire, c'est vrai. Quelle est ta radio préférée, Adrien? Skyrock, Samir. C'est gagné. Bien joué, Adrien. Tu viens de gagner 1 500 € à La Garenne Colombe. Bien joué, bien joué. Donc Skyrock, ça marche, mais Skyrock, sa mère, ça marche aussi. Hein. Ouais. Voilà, 1 500 € à gagner tous les matins, c'est sur Skyrock. Inscrivez-vous au 7-20-20. Profitez bien du week-end pour vous inscrire. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20. Et lundi matin, vous inscrivez ce week-end ou aujourd'hui. Et lundi matin, on vous appelle. Allez. Bah, on espère. On fait comme ça, on croise les doigts. Bravo à tous les gagnants de la semaine. Il y a eu plein de gagnants cette semaine, ça fait plaisir. Hein. Ah, il a eu un paquet, ouais. Il a gagné lundi à Villeparisis. Bravo, et faire un cadeau à sa chérie, Fabrice. Loïc de Marseille, il va être papa. Ah, il est papa, ça y est, il a eu le bébé. Ah, ben oui, ça y est, ouais. Ça y est, il a eu le bébé. Félicitations. Bravo Loïc, on t'embrasse. 1 500 € pour toi aussi. C'est tombé chez Marie à Cagnes-sur-Mer, chez Yannick à Marquette en Ostrevent. Ça, c'est dans le 59. C'est tombé chez Rudy à Rouen. C'est tombé chez Anissa à Clermont-Ferrand, qui va acheter des fringues et des chaussures à toute la famille. Elle a 3 enfants, donc il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Greg à Rumi, il a gagné, il va faire plaisir à la famille. Ça, c'était hier. Sophia à Sarcelles pour le mariage. Un petit chèque de 1 500 €, ça fait plaisir. Ayat à Alès. Et ce matin, à La Garenne Colombe, c'est Adrien qui va faire plaisir à sa chérie. Vous savez qu'ils ont gagné 1500 euros. Après ils sont partis faire l'amour. Oui c'est ça, en nous écoutant. Et c'est ça le morning sur Skyrock. C'est ça la radio de l'amour, la radio c'est du love. D'ailleurs les filles, je voulais vous dire un truc, ouais. Je vous embrasse. Voilà, et puis merci d'avoir passé cette semaine avec nous. C'était sympa ce soir, émission spéciale dans la radio libre, ouais. Avec plein de collecteurs de la radio libre. En fait on va faire un truc ce soir. J'ai demandé à chaque membre de l'équipe de choisir un moment qui l'a fait délirer dans l'émission, ou qui l'a ému, ou qui lui a fait plaisir, ou qui l'a fait rigoler. Mmh. Et ce soir, 21h minuit, on se retrouve avec une soirée spéciale à ne pas louper. C'est sur Skyrock, ce sera juste après le magnifique, le beau, le très intelligent et très membré du nez, Fredo. Bip, bip. Ouais. Je suis refait. Voilà. Tu sais, merci, Diffoul. Manon m'a fait des compliments, il m'a dit t'as un nez, il est plus petit que celui de Fred. Mais j'ai même pas dit ça. Mais il est plus large. Mais qu'est-ce qu'il est con, t'as mesuré ou pas, toi? Ah, bah ça se voit, t'as le nez plus long que Diffoul. Hein. Ouais. Oui, mais moi, c'est un nez grec. C'est ça. Fred, voilà. Appelez-le Fred le grec. Nikos Nakabias. Bon, Fred Musa, c'est pas italien pourtant? Si. Ah, il me semblait si, aussi. Si, hein. Italien paraît même qu'il y a des origines en Albanie. Italien-albanais, Fredo. Il paraît. Bon, italien-albano-grec. Voilà, c'est un mélange méditerranéen en tout cas. T'es pas gaulois, toi, non? Je crois pas. Gaulois. Malheureusement, bon. j'ai loupé un épisode. Fred X sur Skyrock, maintenant, c'est parti. Jusqu'à midi, Urban Music non-stop, même toute la journée avec toute l'équipe. Hein, mais c'est Fred qui s'en occupe jusqu'à midi. On y va, Fredo? On est parti. Passez une belle journée. Rendez-vous ce soir pour la Radio Libre. Ouais. Lundi pour le Morning. Et demain, ouais, N'oubliez pas, le Morning Best avec Vincent entre 6h et 9h. Merci à toute l'équipe. Merci Karim qui remplaçait Cédric cette semaine. Merci, magnifique, Newman. Sympa, on verra si Cédric sera là lundi. Merci, ouais, à Sam des réseaux sociaux. Lundi. Romano, bon, je te remercie pour ensemble tout à l'heure. Hein. Oui, à ce soir. Tu vas me dire Karim aussi. Hein. Ouais. Et Cariole, un bisou sur la bouche. Bah moi aussi. Et un bisou. C'est super. À demain. À demain pour le Morning Best. À ce soir pour la Radio Libre. Demain, une vieille galoche, quoi. Demain, c'est pas prévu. Hein. Ouais, je t'étais pas au courant, gros. Ouais. T'avais pas dit Romano? Non, j'ai pas prévu. Bon, Fredo, prends la relais. J'y vais. Je dis rien. Allez, moi non plus. Salut tout le monde. Ciao. À toutes. Alors, c'est parti à 9h12 sur Skyrock. Bonne matinée, bon vendredi. Vendredi, c'est le week-end qui approche, évidemment, avec le son de Skyrock, rap, R&B en non-stop. Tout à l'heure, on fera encore tourner la roulette. Il y aura encore un an d'abonnement à Deezer à choper. Musique illimitée, Skyrock qui est sur Deezer. Je vous en parle d'ici quelques minutes. Et on écoute maintenant le son de Rihanna sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for, lightning.

wanna go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you. And they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true. And they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Wanna see us together, but it don't matter, no. Sometimes, you know, what else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Different places, I will still be patient with you, and I want you to know I won't let go. I will still be patient with you.